CIFOU 89.1. Pour plus d'informations, visitez cifou.ca. Le plan d'aujourd'hui à assemblage requis. Alex Marchand présidera une toute nouvelle chronique musicale et nightlife. Ouh. Et on se rebellera contre le professeur Gabriel Béhout dans les coulisses de la lutte. Mm-hmm. Assemblage requis commence tout de suite. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis. Pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Bonjour et bienvenue à Assemblage requis. En ce mercredi 4 octobre 2017, à 205 jours de la fin de l'année scolaire, je m'appelle Mathieu Plante. Et moi, Tania Baudin. On est en direct des studios de Tifou à Trois-Rivières, sur le campus de l'Université du Québec à Trois-Rivières. Ouais, on Maurice, donne de plus en plus d'informations. Oui, tout à fait. Est-ce que tu as le code postal? Non. Non, pas vraiment. Bon matin à toi, Tania. Bon matin. Vas-tu bien ce matin? Ça va très bien, merci. Good. Toi? Oui, absolument. Aussi bien reposé. Hier, je me suis endormi tellement de bonheur. Ça fait du bien. Je sais, hein, moi aussi, j'ai tenté, en fait, de me coucher plus de bonne heure. J'ai réussi, mais je me suis levée autant fatiguée. Ah, c'est plate. C'est un peu plate. Mais ta voix a l'air d'aller mieux. Oui, ça va mieux. Ouais. On boit plus d'eau, on boit plus de petits liquides température pièce. Oui, c'est de la bière. Non, du tout. Moins trop chaud. Oui. Ouais. Moins de café, moins de chocolat chaud. C'est ça, exactement. Ouais, je comprends ça. Donc, aujourd'hui, à l'émission, Tania, on va faire ça assez relax, même si on a quand même pas mal de monde avec nous. À 8h, on va avoir Alex Marchand, l'ancien président de la GEQTR. Vous le connaissez de la chronique en GEQTR qu'on faisait ensemble l'année passée. Oui. Il est de retour pour nous parler maintenant de musique et de nightlife. Parce qu'il n'est plus président. Non, fait qu'il peut sortir. Exactement. Tout le soir. À 8h30, David Ferron, lui, est moins sorteux. D'habitude, il est pas mal au bureau. Pas mal en permanence. Donc, David Ferron pour la chronique du Zone Campus. Il va nous parler de ce qui se passe sur le campus en ce moment dans les actualités. Ça, c'est à 8h30. Et puis à 9h, Gabriel Béhoud dans les coulisses de la Luitre. On va parler du premier match régulier qui a eu lieu lundi et de ce qui s'en vient les prochaines semaines. Oh. Mm-hmm. On va aussi faire ta chronique plus tard. Tania is gonna entertain ya. Qu'est-ce que tu nous prépares? Je vais vous parler un petit peu d'environnement. Qu'est-ce qui se passe avec notre automne? Qu'est-ce qui va se passer un petit peu avec notre hiver au Québec? Mais surtout, peut-être le futur un petit peu aussi. Ouh! Vous allez voir. Tu fais ta devin. Oui, exactement. Grâce à des scientifiques qui ont plus étudié que moi. Ouh! On va commencer l'émission avec notre première collègue dans quelques instants. Mais avant ça, on s'écoute The Betrayers. Voici les étoiles. Tout de suite, assemblage requis. Yeah. The Betrayers. Et la pièce Les Étoiles à son dernier. J'ai crié, crié. J'avoue. Aline, faut qu'elle revienne. Ça ressemble à ça. Ça ressemble tellement à cette chanson-là. Featuring de Michel Louvain. Exactement, wow. Featuring Tania Bourdin. Hey, on peut pas se permettre ça, un spectacle comme ça. On peut pas. Le billet coûterait cher. C'est sûr que oui. Fait qu'on va s'acheter des cossins sur Internet à la place. D'accord. Avec ça, si ça ne devrait pas, là. Ça ne devrait pas. On l'a, la chronique où on s'achète des choses sur Internet et qu'on le regrette instantanément, bien évidemment. Toujours aussi peu de budget, toujours autant de choses à vouloir s'acheter. Hein? Mm-hmm. On commence avec une montre qui vous tiendra au chaud ou vous refroidira, oui, en cas de besoin. Hein? Oh, d'accord. Les montres intelligentes sont bardées de capteurs divers et variés pour collecter et analyser tout un tas de données, mais sont-elles capables de réguler la température de votre corps? Non. Et la réponse, probablement pas. La Aircon Watch en est pourtant capable. Cette montre, pas comme les autres, utilise la technologie Climacon pour donner un influx chaud ou froid directement sur le poignet de son porteur, ce qui entraînera une régulation de la température complète du corps. La magie de cet ingénieux gadget réside dans un petit appareil dans son bracelet. Donc, c'est localisé à l'intérieur du poignet, dans une zone où les nerfs sont très proches de la surface de la peau, ce qui permet un maximum de transfert de température des cils. La Aircon Watch peut être configurée pour envoyer des vagues de chaleur ou de fraîcheur selon vos envies. Sur l'écran, trois petits boutons. On peut pas vraiment faire plus simple que ça. Les bracelets sont facilement interchangeables et la montre vous donne même l'heure. Oh, wow! Incroyable. Ça, c'est le fun. Une campagne Kickstarter a été lancée. On récolte pas mal d'argent et ça fonctionne bien. Si vous êtes intéressé par cette étonnante montre, vous pouvez réserver la vôtre. Et les premières livraisons sont attendues pour le mois de décembre. Ça coûte 69 $ US en ce moment. C'est la Aircon Watch, I-R-C-O-N. Ensuite, on va chez Walmart avec une livraison dans le frigo même en votre absence. Pardon? Hein? La guerre des distributeurs contre les géants d'Internet, Amazon entre autres, fait rage. Ils tentent d'innover avec des services uniques afin de garder une clientèle qui se tourne de plus en plus vers le commerce électronique. Walmart, chaîne de magasins bien sûr, a dévoilé un projet qui pourrait bien changer le quotidien de tout le monde. Ce service en phase de test pour une poignée de familles dans la Silicon Valley est rendu possible par un produit encore peu présent dans les maisons des particuliers, c'est-à-dire la serrure connectée. Après la livraison en un seul jour ouvrable, la livraison le dimanche ou encore la livraison en une heure, on peut inventer maintenant, donc la livraison chez vous pendant votre absence. C'est pas un peu inquiétant? Oui, mais bon, je me dis que t'es assuré directement chez Walmart. Ah, peut-être. Probablement, c'est les employés contre de Walmart. Les employés de Walmart, c'est merveilleux. Ça, c'est ça. Donc, il n'y a pas besoin de laisser un paquet à votre concierge ou peu importe. L'idée ici, c'est donc de livrer des produits frais à un client qui n'est pas là en le livrant dans le frigo. La livraison de produits au domicile du client, donc en son absence, c'est l'idée derrière tout ça. Walmart demande les clés des appartements de tous ses clients. Ce nouveau service en test n'est donc disponible que pour les personnes qui ont installé une serrure connectée à leur domicile. Et grâce à ce système, le livreur pourra obtenir un code à utilisation unique pour entrer dans l'habitation et ranger les produits frais dans le frigo ou dans le congélateur. Le client, évidemment, doit faire confiance au livreur. Il va recevoir une notification annonçant que le code a été utilisé et que le livreur est chez lui. Walmart précise que les familles ayant en outre installé un système de surveillance pourront suivre la livraison en direct. Donc, tu vois, les familles qui sont connectées, si t'es riche assez pour avoir une poignée de porte intelligente, électronique, tu peux bien avoir un système d'alarme aussi. Fort possible. Ensuite, bon, tout est connecté, là, hein, même votre serrure de porte, pourquoi pas aller en musique avec quelque chose de connecté, c'est-à-dire le vinyle connecté. Revive, MPO et Wax Taylor présentent le premier disque vinyle connecté au monde à l'occasion de la 40e édition du Festival Son et Images qui se tient du 14 au 15 octobre au Novotel Paris Tour Eiffel. C'est Novotel Paris Tour Eiffel. Ah ben oui, mettre l'accent tonique ailleurs. Revive, MPO et Wax Taylor dévoilent en avant-première le premier disque vinyle connecté au monde avec le nouvel album de remix de cet artiste international, on parle de Wax Taylor, lors du festival. Cet album de remix inédit, By Any Remixes Necessary, est né de la collaboration entre une start-up française, Revive, située à Clermont-Ferrand, MPO, société française spécialisée dans la fabrication de disques vinyles qui fête ses 60 ans, et Wax Taylor, l'artiste international d'électro-hip-hop. Ce premier disque de vinyle connecté va permettre au grand public de préécouter le disque, de le télécharger en haute qualité sur son téléphone et bien sûr de découvrir l'univers numérique de l'artiste. Pour lire le contenu, Il va falloir approcher son smartphone ou sa tablette du disque et la magie va opérer toute seule. La pré-écoute d'un album dans les bacs est immédiate. L'accès au contenu augmenté premium et au téléchargement sont activés après l'achat. L'utilisateur recevra automatiquement sur son smartphone ou sa tablette le contenu augmenté de l'univers de l'artiste, comme les dates de concert, etc., etc., etc. Pour concevoir ce premier disque vinyle connecté au monde dont la technologie est brevetée, Revive a collaboré avec MPO. Et ensemble, ils ont développé un disque vinyle intégrant une puce NFC, donc Near Field Communication, comme dans votre téléphone, capable de transmettre en temps réel toutes les données de l'artiste. L'idée de remixer cet album est née sur la route avec en filigrane l'envie de garder un fil conducteur. Wax Taylor a assigné un titre à chaque producteur et géré la direction artistique de ce casting international. Cool idée quand même. Oui, quand même. Alors, ensuite, un collier qui vous aide à chanter tout juste. OK. J'entends dire que t'as chanté par le passé. Et que tes cordes vocales en ont souffert, c'est ça? Quelque chose comme ça. T'as des sources de langue sale. Des maudites langues sales, bitch. Mais, what? Oui, c'est quelque chose que j'ai fait dans mon passé. Mais maintenant, tu pourrais plus avoir la note, c'est ça? Probablement pas. Ouais, donc t'aurais besoin de ce collier-là. Oui, oui, tout à fait. Un bijou connecté conçu par une start-up française. Donc, si vous aimez le karaoké, que vous êtes chanteur de salle de bain ou que vous cherchez à pousser plus sérieusement la note, que vous n'avez pas de quoi vous payer un coach, bien sûr, vous n'avez pas d'argent pour vous inscrire à la voix, je ne sais pas trop quoi, vous pouvez investir dans Untune, un bijou connecté qui se porte autour du cou et qui est capable d'analyser la justesse de votre voix. Oui, un objet qu'on doit porter à la base du larynx et des cordes vocales. Ouais, OK. Le collier est composé d'électrodes, ça envoie des ondes à basse fréquence aux nerfs des muscles du larynx. Donc, Antoine peut contrôler... Ça fait peur un peu. Ouais, hein? Ça peut contrôler les vibrations sonores émises, juger de la justesse de la voix et même l'ajuster directement en modulant la fréquence des vibrations de vos cordes vocales. Donc, vous allez sentir la note changer pendant que vous la faites. La compagnie existe depuis 2015. Le produit débarque dans le commerce cet automne, accompagné d'une application iOS et Android destinée à recueillir les analyses, mais également les enregistrements vocaux de l'utilisateur qui pourra les éditer et les partager sur les réseaux sociaux, bien sûr. C'est très gros, hein, comme collier. Quand même, ça paraît que tu le portes, là. C'est ça. Tu sais, on dirait un œuf en plus. Oui, ou on dirait un savon d'œuf. Oui, tout à fait. Comme t'as bien raison. C'est un peu particulier. Très particulier. Justement, parlant de savon d'œuf. Oui. Ça m'amène à aller dans la douche. Tu sais, toi, t'as des capsules de nos jours. Ta machine à café a des capsules. Tu peux faire des thés, des soupes avec des capsules. Plein d'affaires. Absolument. Eh bien, voici Skinji. Votre douche aura des capsules maintenant. Des capsules de shampoing? Un impératif assez souvent négligé, c'est-à-dire de prendre soin de soi, étant donné la vie qui va tellement vite. La solution se trouve parfois juste sous votre nez ou plutôt dans votre douche. Donc Skinji, avec une photo de présentation assez spatiale, je te dirais. Explication, il s'agit d'un dispositif utilisant des capsules d'huiles essentielles pour la douche. Un mélange entre technologie et aromathérapie qui parvient à transformer l'eau de la douche en une brune vaporeuse. Imprégnée d'huiles essentielles à 100% naturelles, celle-ci retombe en pluie fine sur votre peau, justement dosée pour votre épiderme. Son principe repose ainsi sur une innovation, la micro-nébulisation, qui a nécessité 2 ans de recherche et de développement. Grâce à un module spécifique baptisé le One, qui s'installe en moins d'une minute entre le flexible et le mitigeur de la douche, il est ainsi possible de fusionner les propriétés des capsules d'huiles essentielles avec l'eau vive de la douche. Le module One de Skinji s'installe sur les douches équipées d'un flexible universel, dont le raccordement est accessible. D'une grande simplicité, il ne nécessite aucune compétence en bricolage et se réalise en moins d'une minute. Il suffit de placer le module entre le cordon et le mitigeur, comme on le ferait avec un nouveau flexible. L'idée est originale, mais c'est quand même cher. On parle de 150 euros environ, c'est environ la même chose en dollars US, plus ou moins, imaginez. Donc, c'est très, très in à Paris. À Paris, à Gay Paris? Ouais. J'ai cliqué sur le lien de vidéo et puis ça m'a amené sur une panoplie de vidéos qui montrent comment l'utiliser. C'est des belles capsules, on dirait vraiment des capsules Nespresso. C'est vrai. C'est très joli, pour vrai. La mobilité urbaine rend les vélos intelligents. Maintenant, avec le Smart Halo. Bref, après une campagne Kickstarter pleinement réussie et 538 000 $ US récoltés sur 67 000 demandés, la start-up québécoise Smart Halo Inc. vient de lancer en France son appareil connecté Smart Halo et entend révolutionner la mobilité urbaine en faisant du vélo un moyen de transport toujours plus agréable, sûr et intelligent. La solution est un dispositif au design épuré à fixer au guidon de son vélo qui se synchronise à l'application à télécharger. Et le Smart Halo s'adapte à tout type de guidon et se connecte en Bluetooth avec le smartphone de l'utilisateur pour ensuite relayer des informations grâce à son écran LED multicolore et tactile, ainsi que des sons contextuels. Doublée à l'application, cette interface permet aux cyclistes de profiter en toute sécurité de fonctionnalités incontournables développées par Cycle Labs, entre autres une navigation précise et intuitive, conçue pour emprunter les trajets les plus sûrs et les plus rapides, une alarme programmée pour se déclencher lorsque le vélo est manipulé alors que le propriétaire ne se trouve pas à proximité, une panoplie de fonctionnalités fitness qui permettent de suivre et d'analyser l'utilisation du vélo de façon ergonomique, un éclairage LED puissant qui rend tous les trajets de nuit plus sûrs et plus agréables. Mais est-ce que, comme la lumière de Bell & Howell annoncée à TV, est-ce qu'il y a un mode awesome? Est-ce que t'as vu cette publicité-là? Non. La lumière, c'est comme une barre de lumière avec un petit pied pour pouvoir le tenir debout en dessous de ton lavabo. Jamais vu. Et là, ils disent qu'il y a un mode normal et un mode awesome! Oh boy! Et quoi? L'assistant permet de prendre connaissance des appels et messages reçus grâce à des notifications qui apparaissent à l'écran afin de ne pas les consulter en pédalant. Ah voilà, donc le Smart Halo qui est disponible sur smarthalo.bike. C'est pas pire un point bike? Ouais, c'est bon. Ensuite de ça, Mattel révèle une édition de Uno pour les joueurs qui sont daltoniens. Hein? C'est vraiment fort. Est-ce que tu t'es déjà dit, mais Colin, comment ils font les daltoniens pour jouer à Uno alors que toutes les couleurs sont tellement de base et faciles à mélanger? Voici donc la version Color ADD de Color Alphabet. Donc après la journée internationale des personnes daltoniennes, Mattel a annoncé, donc Mattel c'est la compagnie derrière Uno, hein, a annoncé qu'ils allaient révéler une version parfaite pour les daltoniens de ce jeu qui date d'il y a 46 ans quand même. C'est une collaboration avec Color ADD, l'organisation mondiale pour les daltoniens, pour leur accessibilité et l'éducation des gens face à ça. Donc à la place d'avoir un design dépendant des couleurs, le nouveau Uno a de petits symboles à côté de chaque numéro, chaque nombre, chaque chiffre sur la carte qui correspond à la couleur primaire prévue par la carte. Donc The Verge nous dit-on, The Verge nous dit que Mattel n'est pas la première compagnie à inventer un jeu de cartes pour les daltoniens, mais quand même, ça devrait être assez important pour le développement des jeux de société en général. Selon Fast Company Design, Uno est présentement le jeu de cartes non à collectionner, donc c'est pas du Pokémon, mais le jeu de cartes non à collectionner le plus populaire au monde. Et puis l'accessibilité, bien sûr, va faire que 350 millions de personnes vont pouvoir jouer, 13 millions d'Américains qui sont daltoniens. Et donc la popularité du jeu devrait encore une fois grandir. Très fort. Très, très fort. Ensuite, Tokyo a maintenant sa roulette russe. Comment est-ce qu'on appelle ça? Ah ouais? C'est pas la roulette russe. Non, c'est une grande roue. La grande roue, c'est ça. La grande roue, mais version karaoké. Donc, les chanteurs dans la ville capitale du Japon peuvent maintenant amener leurs chants dans les hauteurs. Travel and Leisure nous dit donc que Bigo, une compagnie populaire de grande roue, situé dans le complexe de divertissement Tokyo Dome City, a récemment reçu des machines de karaoké et les a installées dans ses cars en collaboration avec une compagnie de karaoké qui s'appelle Joy Sound. Les visiteurs peuvent prendre un petit tour de 15 minutes dans ce grand manège comme ça. Il y en a 8 en fait, manège. Il y a une sélection de chansons populaires, entre autres des chansons de Disney comme Let It Go de Frozen. Let it go! Let it go! J'espérais qu'il y avait plus que juste... Je suis désolée. juste le premier, quand même. Ouais, non. Ça s'arrête là. Ça s'arrête là. C'est assez pour mes fans. Il y a aussi 50... Ouais, tes cordes vocales. C'est trop tôt. c'est trop tôt pour tout le monde. 50 chansons classiques de la pop. Et chaque car peut tenir 4 personnes, ce qui est assez pour faire un petit party. Le Bigo coûte environ $7.50 US par tournée. Mm-hmm. Et heureusement pour les fans de karaoké, ils ne vont pas payer plus cher pour les chansons. Ah, mon Dieu, chance. C'est bien. Ouais. Donc, on dit que c'est la première grande roue à thématique karaoké au monde. Donc, vous pouvez visiter le site web de Tokyo Dome City sur tokyo-dome.co.jp. Continuons avec des vêtements qui sont sans genre. On parle souvent, entre autres chez Target aux États-Unis, on sépare plus les jouets en termes de garçons et de filles chez Target. Non, c'est des jouets dépendant de votre âge, ce qui a beaucoup plus de sens, on s'entend. Je suis bien d'accord. Tout le monde, il me semble, peut être d'accord qu'une fille peut jouer avec des Tonka Cups et un gars peut jouer avec des poupées. Je veux dire, on est rendu en 2017 quand même, là. Et bien maintenant, on offre des vêtements sans genre. Donc c'est John Lewis, un vendeur donc de luxe, qui est connu pour ses publicités de Noël qui font pleurer, mm-hmm. hein, est devenu un ambassadeur du mouvement de l'égalité des sexes. Donc le magasin britannique essaie de créer un département d'enfants neutres dans les genres, donc attire de la controverse bien sûr, de la controverse qu'ils ont passé 150 ans à essayer d'éviter depuis leur création. Et c'est pas nouveau apparemment que H&M et Zara ont créé des vêtements unisex pour adultes et des boutiques de luxe comme J.W. Anderson et Rick Owens ont aussi fait des designs unisex. L'année passée, Louis Vuitton avait habillé Jaden Smith, le fils de 17 ans de Will Smith, avec des vêtements de femmes, pour femmes ou en tout cas en général qui ont l'air plus féminin, pour une publicité qui faisait la promotion de leur collection de 2016. Donc voilà, c'est ce qui s'en vient dans les magasins au Royaume-Uni. Des gens applaudissent l'initiative, d'autres, évidemment, chialent. Évidemment. Toujours. Un classique. Et voilà. Ensuite, toujours dans les magasins, on a un nouveau jouet chez Nike qui vous permet en fait de faire le design et d'imprimer vos propres souliers en moins d'une heure. Oh! Ça s'appelle The Lodge. C'est une expérimentation avec la réalité alternative, le tracking des objets et la projection. Donc Nike et l'agence publicitaire Whedon & Kennedy, chez The Lodge, ils ont donc dévoilé oui, ce qu'ils croient être un petit regard dans le futur des ventes, avec une expérience à New York City qui permet aux visiteurs de faire le design de leurs propres souliers qui sont prêts à porter en moins de 90 minutes. Nike Makers Experience, qui est présentement sur invitation seulement, et dans le studio Nike Bayou Studio au 45 Grand, Saint, Grand Street... Okay, 45 Grand Street, point. Mm-hmm. Et autre phrase, en arrivant, chaque invité est invité à porter donc une version complètement vide des Nike Presto X. Une silhouette est créée exclusivement pour l'expérience et l'invité peut choisir des graphiques générées soit par l'histoire derrière Nike ou encore des phrases que tu proposes ou que tu choisis. Et ensuite, tu peux personnaliser ça, faire des patterns, changer la grandeur, les couleurs et en réalité augmenter avec le tracking d'objets et le système de projection. Ça va amener directement le design que tu as fait sur ton pied. Oui, donc, oui. Dans tes lunettes de réalité alternative où tu vois l'environnement derrière, devant toi et quelque chose est ajouté par-dessus. C'est ça la différence avec les réalités virtuelles. Oui. Bon. Donc, tu vas regarder tes pieds et il y a un projecteur qui va comme projeter ça sur ton pied. OK, cool. C'est assez malade. Et le soulier va être produit directement là et il va être disponible environ une heure plus tard. Vraiment cool. J'adore ça. C'est un groupe de technologie chez Whedon & Kennedy, ça, The Lodge. Ils ont créé ça en association avec Mark Smith et son équipe chez Nike's Innovation Kitchen. Ils offrent des souliers personnalisés depuis plus d'une décennie chez Nike via leur système Nike ID en ligne avec moins d'options et 3 à 5 semaines de livraison. Donc, on passe à un autre palier. Oui. Je dirais. Vraiment cool. Ensuite, on parle un petit peu de nourriture. Ce n'est pas de la fondue, c'est le Fondoodler qui vous permet de dessiner avec du fromage Cheese Whiz style. Pourquoi pas? Donc le Fun Doodler, c'est comme un fusil à colle chaude, mais pour le fromage. Pour les gens qui veulent jouer avec leur nourriture, c'est fait pour faire fondre le fromage que vous chargez dans la petite canisse. Ouais. Et le Fun Doodler va vous sortir du fromage bien chaud et tout dégoulinant comme ça, et vous pouvez le mettre sur n'importe quoi. Ça a l'air bien. Je suis pas certaine, j'adhérerais. Non, seulement non. $30. Ouais. Sur Amazon. Mais clairement, en tout cas, dans la publicité, le fromage a l'air très chimique. Oui, absolument. On dirait pas du fromage de qualité comme non, tu mettrais sur ça. Des nachos. Là. Non, c'est du fromage cheapo. Est-ce que tu regardais, ou est-ce que tu regardes encore, maintenant que les DVD sont ressortis récemment, la série des années 60 de Batman? Encore, la meilleure série de Batman. Tu veux dire en dessin animé? Non, avec des humains, avec Burt Ward et l'autre qui est mort. Là. Ah, bien oui, certainement. Bon, c'était le fun, ça. Il y avait une statuette... que tu pouvais te pencher la tête par en arrière, il y avait un bouton qui révélait l'ascenseur pour la Batcave. Ouais, la Batcave. Il me semble que c'est la Batcave. La Batcave. Ouais, t'as bien raison, Batcave. Voilà. Bref, ça s'appelle Batman Shakespeare Bust Banks. C'était un buste de Shakespeare. Je ne savais même pas qu'il ressemblait à ça, Shakespeare. Qui pense à de quoi a l'air Shakespeare, là? Tu vois, moi non plus, je m'imaginais pas Shakespeare chauve comme ça. Non, avec une petite moustache, genre de vilain dans un film. Tu vois la moustache? Je m'en attendais. Ouais. Ça fit un peu avec pointu, Shakespeare. Ouais. Puis j'ai regardé un film où Shakespeare a justement aussi une moustache. Ah. Mais chauve comme ça. Chauve et les cheveux en arrière qui deviennent bouclés en bas. Décevant. Puis un pinch. Ouais. On n'a pas un pinch de la part de Shakespeare. Non. Bref, le buste de bronze de Shakespeare, pareil comme dans l'émission de 1966, avec un bouton caché pour débarrer la Batcave. C'est donc une réplique en vinyle heavy duty avec le même style de tête qui se penche en arrière, le même bouton. Et une fente pour la pièce de monnaie, parce que ça devient une banque. Ah, très cool. Donc, vous pouvez vous procurer ça sur assemblagerequis.com, Batman Shakespeare Bust Bank. Ensuite, Tania, tu ne fumes pas. Non. Tu n'as pas ce vice. Non. Tu gardes d'autres vices pour toi, mais exactement. Celui-là, tu ne l'as pas. C'est ça. Tu peux maintenant avoir un briquet intelligent qui surveille votre prise de cigarette si vous essayez d'arrêter, peut-être. Oh, OK, ouais. Ouais. Donc, si vous voulez arrêter cette dégueulasse habitude, le Cigarette Tracking Smart Tracker se synchronise avec votre téléphone cellulaire et peut tenir le compte de chaque cigarette que vous fumez pour pouvoir être au courant et commencer à arrêter, réduire le nombre. Donc, tu vois, sur le briquet, c'est écrit 27 en un petit chiffre lumineux avec cigarette à côté. Donc, 27 cigarettes, $190 pour arrêter de fumer. Ça pourrait au moins vous mettre au courant que vous fumez beaucoup. Oui, exactement. On s'en rend pas compte des fois, j'imagine. J'imagine que non. C'est l'automne, Tania, tout le monde parle de citrouille épicée. Oui. On peut manger de la soie épicée, des biscuits, du café, peu importe. Écoute, imagine, c'est infini les possibilités avec la citrouille et le pumpkin spice. Mais as-tu déjà voulu t'en mettre en dessous des bras? Non. Non, ben maintenant tu vas pouvoir quand même avec le désodorisant pumpkin spice latte. Oh mon dieu. Maintenant tu peux sentir comme pas mal tout le monde qui va chez Starbucks. Mais j'ai un push-push pour la pièce. Oh. Pumpkin spice. Stan assez vite. Non, ça sent tellement bon. Ah ouais, pour vrai. Mais le mois d'octobre, c'est pas pire, mais après ça... Bref, c'est un désodorisant solide, biologique. Ça s'appuie et ça s'applique facilement, oui, et ça vous protège toute la journée avec l'odeur du pumpkin spice latte. Ensuite, j'aime beaucoup les arcades. J'aime le feeling des boutons d'arcade. C'était tout le temps très satisfaisant d'appuyer sur un bouton d'arcade qui fait clic. Mm-hmm. Les gros boutons ronds qui cliquent. Ben, vous pouvez maintenant changer vos lumières dans votre maison pour des boutons d'arcade. Ajoutez de la couleur, du plaisir dans votre maison et de la nostalgie même avec ces arcade light switches. Parfait pour une salle de jeu, pour la chambre des enfants. Pourquoi ils disent ça? C'est réducteur, je trouve. Mais bon, mm-hmm. C'est parfaitement beau et approprié n'importe où. Hein? Et ça coûte 50$. Ça dit pas pour combien, hein? Je vais aller voir un petit peu. OK, c'est 25$ pour une. Okay, ouh là, d'accord. Ben, c'est ben, pas si pire. J'imagine que c'est des boutons de qualité. J'ose espérer que le clic est vraiment satisfaisant. C'est pas tous les clics, c'est pas tous les boutons qui sont le fun. Non. Ensuite, le hands-free umbrella hat. Quand tu sors dehors et que tu veux pas avoir à tenir ton parapluie. Qu'est-ce que tu veux pas avoir? La photo en vaut vraiment le coup, là, juste pour le petit gars qui le porte. C'est magnifique. Donc, rester au sec sans avoir à porter un poncho ou à porter un parapluie en haut ou encore les deux. C'est disponible en trois grandeurs. C'est donc un chapeau que tu t'insères sur la tête et t'as la face libre, donc le plastique arrête à ton front. Et après ça, ça continue un peu comme une cape, mais qui irait juste par-dessus vos épaules, comme en forme de parapluie, mais inversé. Mm-hmm. Et ça se plie facilement pour le transporter. Et ça vient avec deux bandes, deux straps qu'on met en dessous des bras pour l'empêcher de s'envoler au vent. T'as pas besoin de tenir à rien. C'est laid. Tu sais comment? Je sais pas. Non, je suis pas d'accord avec ça, c'est affreux. C'est vraiment affreux, là, oublie. Toujours dans le domaine de l'eau. Hein? Oui. Après la pluie, hein, on continue dans la pluie. Avec, il y a le beau temps. Non, pas du tout. C'est les Arctic Dry, c'est des bas qui sont à l'épreuve de l'eau. Pas pire en débat, à l'épreuve de l'eau pour les hommes, les femmes, les enfants, peu importe. C'est bien ça. Arctic Dry Waterproof Socks, 100% à l'épreuve de l'eau. Trois couches durables qui ne permettent pas à l'eau d'entrer à l'intérieur des bas, qui les gardent au sec et qui gardent vos pieds bien chauds. C'est tout ce qu'il y a à dire. Arctic Dry est le nom de la compagnie. Ensuite, le scanner contient dans sa main de la compagnie Bosch qui peut vous aider à comprendre d'où est venue cette tache mystérieuse. Quand t'as un vêtement, t'as une tache mauve dessus, bon, ok, tu sais, rouge foncé, tu sais que c'est du vin. Oui, la plupart du temps. Mais il y a d'autres tâches que tu sais pas ce que c'est. Non, c'est vrai. Ça arrive, donc le X-Spect va vous aider à comprendre vos erreurs. C'est un compagnon de lavage. Donc Bosch explore les possibilités de la technologie. On dit ici que ça commence Qu'est-ce que ça dit? Hein? Je comprends pas cette phrase-là. C'est pas grave. Donc le X-Spect peut apprendre à comprendre ce qu'il y a derrière vos tâches. C'est au début du développement en ce moment. La compagnie espère le lancer bientôt. Ça pourrait être vendu à côté de leur machine à laver intelligente. Et probablement pas en tant que gadget qu'on va pouvoir s'acheter à part. Ça va probablement juste être un petit bonus que tu vas avoir à part. Donc c'est capable de détecter la source d'une tâche, déterminer aussi le tissu du vêtement qu'on scanne. Ça va te montrer ça sur un écran LCD et ça va t'envoyer une méthode de nettoyage directement à la machine à laver. Donc, la machine à laver de la même marque va recevoir les instructions de lavage du scanner. Donc, c'est parfaitement pratique. Deux derniers. Oui. Utilisons Spotify pour aller s'entraîner, mais sans avoir à traîner son téléphone. Ça serait vraiment magnifique. Vraiment cool, sans avoir à payer une montre Apple Watch génération 3 à genre 800$ ou quelque chose comme ça. Là. Aussi. Hein? Avec le modèle à 10$ par mois pour avoir ton Spotify. En tout cas, bref, dans le temps, on avait un iPod, tu le payais une fois, c'était fini. Maintenant, tu pouvais avoir Spotify dans le temps? Non, mais t'avais toute ta musique que tu voulais. Oui, clairement. Sur ton iPod. Oui, t'as bien raison. De nos jours, comme ils vendent plus d'iPod, tu mets ta musique sur ton téléphone, ça prend de la bande passante, t'es tout en train de traîner ton téléphone. Ça fonctionne mal. Ça fonctionne mal, on n'aime pas ça. Donc, une compagnie essaie de rendre ça un petit peu moins stressant avec le Mighty, un lecteur MP3 qui ressemble à un iPod Shuffle, mais plus moderne. Il a la capacité de synchroniser les playlists et les chansons de Spotify sans fil. Ça peut se connecter à Spotify via une application sur votre téléphone, ce qui permet de créer une nouvelle playlist et ensuite de les synchroniser sur le Mighty avant d'aller s'entraîner et ensuite vous pouvez laisser votre téléphone à la maison. Il y a un bouton spécifique qui vous permet de sélectionner votre playlist. Vous pouvez remplir ça jusqu'à 8 gigs, environ 1000 chansons, comme dans le temps des iPods où il y avait juste 8 gigs dessus. Comme dans le temps. C'était pas fort, 8 gigs, là. Il y a non, pas non, musique, c'était là. Pas fort. Bref, le Mighty est un Kickstarter à la base. Ils ont ramassé plus de 300 000 $ US. Et la compagnie a ensuite commencé à travailler avec Spotify pour s'assurer que ça fonctionne très, très bien. Donc, les deux compagnies gagnent là-dedans. Et le Mighty a aussi une prise écouteur, ainsi que le support, le soutien des écouteurs Bluetooth. Ah, OK. Donc, vous pouvez vraiment tout faire avec ça. Et pour seulement 86 $ Oh, c'est bien. Sur le site de Mighty. Et pour terminer, une fenêtre flottante pour votre chat. Ah, wow. Pour dans l'auto. Si vous voulez amener votre chat, je sais pas, peut-être pas dans l'auto, je sais pas. En fait, dans l'auto, c'est probablement pas une bonne idée. C'est comme dans la même catégorie que le parapluie, pas de manche. T'imagines ça dans la même famille, tu sais. C'est laid. Donc, c'est vraiment comme un petit lit que tu peux coller à la fenêtre avec des ventouses. Oui. Et ton chat se couche là-dedans. Je sais pas si tu le couches toi-même ou si le chat finit par aller se coucher là-dedans. Hein? Bref, ça crée un hamac instantané pour accommoder même les chats les plus paresseux et les plus gras pour 60 $ canadiens. Voilà pour ça et ça ne devrait pas. L'heure de faire le tour de 20 gadgets. Les notes de l'émission numéro 1135, ça a tous les liens que vous désirez et plus. On prend une pause et au retour, on passe à... Quoi déjà? Tania. Ben, je sais bien pas. It's gonna entertain you. Ouh! Ouh, qu'est-ce que c'est le fun? Restez là. Toujours à l'assemblage Ricky, accompagné de Tania Bourdin. Et de Mathieu Plante. Oh oui. On a voulu aller chercher du café. J'étais pas sûr d'aller en parler. Et malheureusement. C'est fermé en ce moment. Oui, c'est ça. On sait comme pas trop ce qui se passe. On se demande si, genre, ils voulaient tellement pas vendre de bière avant 8 heures comme ils ont fait par le passé, puis ils ont été obligés de fermer pendant 3 jours, qu'ils se sont dit, on tient sa mort. Peut-être. Ou bien la personne qui était censée être là n'est pas là. Était au party hier. Oh, peut-être. J'en ai aucune idée. J'ai même vu la fille qui livre les pâtisseries. Se faire revirer de bord par la porte. Arrivée ce matin, puis elle est comme revenue avec son cabaret, je comprenais pas pourquoi. C'est dommage. J'ai hâte de pas comprendre. Fait qu'on a soif, on a faim et on a rien à nous offrir. C'est ce ça. Matin. Bref, on va attendre. On est patient. Oui. On est patient assez pour attendre encore quelques instants avant ta chronique, Tania is gonna entertain you. Tout à fait. Avant ça, on écoute. On ne fait qu'attendre. Donc, écoutons une pièce qui parle d'attente. Okay. Long time coming, The Cheap Trick, tout de suite. Assemblage Ricky. Woohoo! Girl, I want to be with you. Put me on a plane. Take me to the Long time coming. Long time. Oh oui. Oulala. Cheap Trick, assemblage requis à 7h41 en ce mercredi matin. C'est l'heure parfaite pour ta nièce Golden Junior. Tout à fait. Mmh. C'était une petite Tania qui voulait être pro des médias. Fait qu'elle est allée à l'école et puis maintenant à l'école, c'est Tania! And she's gonna do it! Ça s'améliore pas à nos voix, finalement. Non, moi j'aurais dit qu'on aurait dû prendre du café, mais oui, c'est chose impossible. Mais non. Donc on parle d'environnement encore aujourd'hui. Je pense que ton sujet c'est rendu près de toi, ce sujet-là. Oui, quand même assez, mais c'est surtout par rapport à la météo. Vous allez comprendre, parce qu'évidemment, on a eu une belle météo en septembre. On peut pas s'en cacher. On n'avait pas nécessairement eu une magnifique météo un petit peu plus tôt durant l'année. Alors justement, j'aimerais revenir sur tout ça, parce que la météo de septembre, elle a été exceptionnelle. Mmh. Et Environnement Canada a confirmé ce que tous les Québécois ont pu remarquer, c'est-à-dire que le mois de septembre, au chapitre des températures et au chapitre des précipitations, bien, ça a été exceptionnel. On pensait qu'il mourrait pas mal plus que ça. Il a fait beau, il a fait chaud. Et selon un météorologue qui est Alexandre Parent, bien, les températures moyennes en septembre ont été d'environ 3 degrés supérieures aux valeurs saisonnières. Ce qu'on voit pas nécessairement souvent, c'est-à-dire qu'on voit ça une ou deux fois tous les 100 ans. Wow! Le mercure, ça l'a dépassé pendant plusieurs jours le maximum de 21 degrés. On se rappelle, on était en t-shirt, on était en camisole, on était en short le 25 septembre. Et on a bien évidemment battu plusieurs records de température avec ce mois-là. Donc, quant aux précipitations qu'on avait eues un petit peu plus tôt avant ça dans l'année... Faut essayer d'oublier. Exactement. Bien, dépendant des régions, pardon, elles ont été inférieures de 40 à 55 % de ce qu'on voit en temps normal en septembre. À Montréal, notamment, il y a eu 83 mm de pluie qui sont tombées en septembre, comparativement à la normale qui est 48 mm. Donc, on voit qu'il y a eu une augmentation des précipitations du côté de Montréal, mais en temps normal, il fait plus chaud à Montréal. Donc, il y a comme eu un dérèglement à ce moment-là. Et le météorologue note aussi que septembre s'est déroulé comme en deux temps. Les 10 premiers jours ont été beaucoup plus frais que la normale, en raison, entre autres, des restants des ouragans qu'on a vus aux États-Unis et un petit peu partout à travers le monde. Et bien sûr, ça l'a atteint le Québec. Et par la suite, on a eu les 20 jours qui ont suivi, qui ont fracassé les normales saisonnières. En septembre, ça l'a un petit peu débordé sur octobre. Ça va encore un petit peu déborder sur octobre, soyez-en sûrs. Donc, on va débuter avec un soleil et de la chaleur. Ça, c'est sûr et certain. Comme si on regarde hier, Mathieu et moi, on a pris une 10 minutes de pause. Oui. On est allé boire notre café sur une terrasse en t-shirt. C'était fou comment c'était chaud. C'était parfait, oui, vraiment. Donc, le mercure va être au-delà des normales encore en début de semaine pour cette semaine et la semaine prochaine. C'est quand même drôle parce que c'est pas quelque chose qu'on voit assez souvent. On voit ça, comme je le disais tout à l'heure, une à deux fois par siècle. Donc, c'est très, très rare. Mais là, on parle surtout de l'automne qui va débarquer au Québec. Le vrai automne, là, tu sais, celui qu'on connaît bien, là. Celui auquel on est habitué, celui où il mouille, celui où il fait pas beau. Celui que pas mal le monde aime quand même. La plupart des Québécois aiment beaucoup l'automne. Bien, on devrait voir des veilles d'orages violents pour plusieurs régions du Québec dans les prochains jours parce qu'il a fait chaud. Oui, je vois la petite onde d'orage sur ma montre. Exactement. Il a fait très chaud au cours des derniers jours au Québec. Et bien évidemment, comme je l'ai disais tout à l'heure, la région montréalaise a vécu une période de canicule avec un mercure qui a grimpé au-dessus de 30 degrés Celsius pendant quasiment une semaine de temps. Mais cette période-là de chaleur va devenir de moins en moins grande. Je viens de le dire, on va encore en voir un petit peu en octobre, mais ça va commencer à prendre fin, là, dans pas long. Ça va être accompagné, bien évidemment, de possibles orages violents, parce que qui dit chaleur, grande chaleur, canicule, dit la plupart du temps, éclair de chaleur, température ou que ça va être pas mal moins plaisant d'aller à l'extérieur. Donc, Environnement Canada, encore une fois, a émis une veille d'orages violents pour les secteurs, par exemple, de Montréal, Laval, les Laurentides, la Mauricie. On s'en sort pas et les orages vont possiblement être violents sous forme d'éclairs, sous forme de gros vents, et ça va venir dans les prochains jours avec un front très froid. Donc ça va être la grande différence et ça va être un gros clash qu'on va avoir. Il ventait beaucoup ce matin, ça commence déjà à changer. Oui, il ventait, mais c'était pas très très froid, non, je vais t'avouer. Même chose pour hier matin, moi je m'attendais à ce qu'il fasse vraiment très froid. Je voyais venter à l'extérieur, j'ai mis mon bon manteau d'automne, je suis sortie, mon Dieu, il fait chaud! Ouais. Mais le front froid qu'on va voir dans les prochains jours va toucher les régions au sud du fleuve. Donc Environnement Canada tient justement à dire à tout le monde que bien, ça s'en vient, là. Les normales de saison, ça devrait atteindre justement pas mal tout le monde au Québec. Et il existe même un potentiel de tornade avec tout ça. On en voit de plus en plus au Québec. Récemment, on en a vu dans le coin de la Mauricie aussi, de fortes rafales de vent, des pluies torrentielles avec des orages. Donc on devrait voir tout ça. Les risques de tornades restent quand même faibles au Québec. On peut pas comparer ça, par exemple, aux tornades qu'il y a eu aux États-Unis et les grandes tempêtes. Mais malgré tout ça, c'est une forme de tornade malgré tout. Donc, on veut profiter du beau temps, bien évidemment, qui reste dans les prochains jours. Mais on vous conseille de souper à l'intérieur le soir. Allez pas à l'extérieur. Parce que nos orages vont probablement arriver en fin de journée de plus en plus. Pour ceux qui l'ont peut-être remarqué, pour les plus fins d'entre nous, on se dit que c'est la période de l'automne, depuis quelques jours maintenant, depuis le 21 septembre. Les plus fins observateurs ont peut-être remarqué que les arbres ont pas tant changé. Les belles couleurs d'automne là, dans les arbres sont passées où? Bien, il y a des observateurs, comme je le disais, qui ont sûrement remarqué que les couleurs d'automne sont pas mal moins habituelles que ce qu'on serait habitué de voir à ce temps-ci de l'année. Ils sont pas mal moins spectaculaires aussi. Elles sont moins flamboyantes Instagram cette année. Instagram est plate à mort cette année. Instagram, au temps de l'automne, là. Hein? Pumpkin spice latte, là. Pourquoi tu dis pomme skin? Fouille-moi. Parce que t'es allergique à la peau de la pomme. C'est ça. Pomme skin. C'est ça, t'as tout compris. C'est ça. Donc, les températures qui sont anormalement élevées, comme je viens d'en parler, et le peu de précipitations sont en cause. Mm-hmm. Pour ceux qui se posaient la question, là, justement, pourquoi est-ce que si je prends une photo devant un arbre, c'est pas orange, comme l'année dernière? Bien, Michel Labrec, qui est un chef de la division recherche et développement scientifique au Jardin botanique de Montréal, explique que la sécheresse et la chaleur font en sorte que les feuilles vont sécher et elles vont pas avoir de couleurs spectaculaires cette année. On devrait pas voir des belles couleurs d'automne comme on a déjà vu et comme on avait dans le temps. En fait, il s'agit d'un phénomène qui est aussi rare que les températures qu'on a eues. Donc, tout à l'heure, je disais que ça arrive une à deux fois aux 100 ans. Mais c'est un petit peu la même chose avec la couleur des feuilles pour l'automne. Malheureusement, ça va être un peu platounet, notre automne. Ça va peut-être devenir la saison la moins préférée des Québécois tout d'un coup. Donc, ça se produit de temps en temps. Et la saison des couleurs, évidemment, c'est épatant, par exemple, dans les Laurentides, dans les régions où il y a vraiment beaucoup de feuilles, de feuillus et d'arbres, bien évidemment. Mais les couleurs d'automne sont dues à des changements dans la photopériode, ce qui entraîne en fait une mortalité chez les feuilles. Ça s'accompagne évidemment d'un changement de couleur, parce qu'on connaît ça depuis des années maintenant au Québec. C'est un petit peu quelque chose qui nous est aussi appris à l'école primaire. Mais la chlorophylle, qui donne la couleur verte aux feuilles, c'est plus fabriqué et c'est plus motabilisé dans les feuilles présentement. Et il y a d'autres pigments dans les feuilles, comme par exemple les rouges, les oranges, qui en temps normal vont apparaître. C'est ce qui fait qu'on a de très belles couleurs dans les feuilles, dans les arbres en temps normal. Mais là, tout ça, là, c'est comme mis à zéro. C'est comme s'il n'y avait plus de changement de chlorophylle dans les feuilles parce qu'il a fait trop chaud. Mais ça va revenir quand il n'y aura pas autant de chaleur. Exactement. Donc, on devrait voir des couleurs changer, bien évidemment, mais elles ne seront pas aussi éclatantes. Parce que le temps qu'on va avoir eu pour que la chlorophylle se développe, pour que la feuille tombe en période morte, entre parenthèses ou entre guillemets, eh bien, elle va être moins grande que d'habitude. Ça va faire en sorte que notre automne, nos photos Instagram, va falloir les retoucher parce que ça ne sera pas éclatant naturel. Vous ne pourrez pas faire hashtag nos filters cette fois-là. Exactement. Donc, il y a des conditions qui, bien évidemment, doivent être présentes pour avoir un effet positif sur la photopériode qui est automnale. Et on parle aussi de variations de température qui, en temps normal, va faire en sorte que les feuilles vont changer de couleur. On parle de gel nocturne, par exemple. Ça, en temps normal, ça va amplifier les couleurs. Mais là, dernièrement, on n'a pas eu de gel nocturne. Ce qu'on voit en temps normal vers la mi-septembre, fin septembre, ce qui il commence à faire froid, il fait froid de plus en plus tôt le soir, mais on l'a pas ça. On peut quand même sortir en t-shirt le soir présentement. Donc, ça fait en sorte que nos arbres sont la plupart tous verts encore ou d'un rouge plutôt platounet. Ouais, on les voit dans notre belle baie vitrée des studios en ce moment et ça ressemble pas mal à ce que ça ressemblait cet été, mais avec un petit... C'est plus poivre et sel. Exactement. Que cheveux blancs. C'est un petit peu plate, mais ça devrait revenir. Par contre, c'est sûr que, comme je l'ai dit tout à l'heure, ça va pas être aussi flamboyant, ouais. Ça va pas être aussi éclatant comme couleur, tout simplement à cause des changements de température et des grosses variations qu'on a eues tout au long de l'année, en fait. À quoi va ressembler notre verre, par exemple? Parle-moi-en pas. Ben, en fait, parle-moi-en, mais rassure-moi, s'il te plaît, un peu. Eh bien, j'ai fait quelques recherches. Au mois d'août, on disait que, bien évidemment, Mère Nature allait nous réserver une belle période automnale, comme on vient de le mentionner. Mais il y a plusieurs pronostics qui se font. Et en résumé, les amateurs de sports d'hiver devraient être contents cet hiver pour l'hiver 2017-2018. Beaucoup de neige, mais pas trop froid. Bien, comme chaque année, on parle de l'almanach des fermiers. Exactement. L'almanach. Celui que Céline Dion tout le temps en couverture et Julie Snyder. Oui, c'est ça, exactement. Chaque année. Fermiers. Eh bien, on publie nos prévisions météorologiques à long terme. Mm-hmm. Et pour l'hiver prochain, bien, les Québécois devraient s'attendre à des températures qui vont être froides, qui vont être en dessous de la normale, mais on devrait avoir de nombreuses précipitations. Donc, tout ce qui est des tempêtes de neige et tout ça, là, bien, durant l'hiver, on devrait en avoir beaucoup. Cool. Entre autres, entre le 20 et le 23 janvier et entre le 4 et le 7 février, eh bien, on va parler d'orage. J'aimerais vraiment ça, c'est dans les buts... Excuse-moi, il fallait que j'aie l'air surpris. D'orage? D'orage. OK. Hein? On va être en hiver, là, mais on va avoir des orages. Hein? Oui, donc ça devrait apporter des vents qui vont être forts, avec beaucoup de précipitations, mais ça sera peut-être pas de la neige. Yark! Oui, donc les prévisions météorologiques présentement, elles sont un peu instables, justement à cause de la trop belle température qu'on a eue durant les derniers temps. C'est des prévisions qui laissent très sceptiques les météorologues. Ben, c'est ça, j'ai hâte de voir. Dans les bulletins météo, j'aimerais ça qu'ils fassent genre la météo d'aujourd'hui et la météo que l'almanach prédisait l'année passée. Oui, c'est ça, exactement. Juste pour voir si c'était vrai. T'sais. Parce qu'on se demande en fait si ces prédictions-là vont être exactes à 80%. On a 80% un doute de dire, bien, ça pourrait arriver pour vrai. Mm-hmm. Ça pourrait être ça, notre hiver. Ça va être froid, on va avoir des précipitations, mais en janvier, ça se peut qu'on ait des orages. Donc, c'est une température qu'on n'a jamais vraiment vue au Québec. Et bien évidemment, c'est sûr que vous pouvez vous informer sur les Internet. Oui, les changements climatiques. Les changements climatiques, bien évidemment, ça explique beaucoup de choses comme ça. Mais on devrait aussi avoir un hiver qui va être pénible à cause de ça. Ça va faire en sorte que les gens ne sauront pas trop quoi faire. Et on va être déprimés rares. Hein? Ben, c'est sûr, à l'eau, la dépression saisonnière avec tout ça. Et si on regarde le rédacteur en chef du Canadian Farmers Almanach... comme l'almanach des fermiers canadiens, qui est Peter Giger. Pierre Giger. Oui, c'est ça, appelons-le comme ça. Eh bien, on prévoit en fait un retour de l'hiver d'un vieil homme. Ça veut dire qu'il va faire très froid, qu'on peut s'attendre à d'importantes chutes de neige, plus importantes encore que celles qu'on a vues l'année dernière, à moins qu'on ait voulu parler d'orage, justement. Donc, on va avoir des températures sous les normales qui devraient être enregistrées dès le mois d'octobre. Ça devrait commencer là. On a hâte. Du moment qu'il va arrêter de faire chaud, il va commencer à faire froid, mais très froid. Donc, on affirme également que les prévisions météorologiques vont être avérées exactes, selon certains météorologues qui se sont penchés sur la question durant les dernières semaines, à la suite de ces prévisions-là, qui étaient un petit peu alarmantes, qui faisaient peur à pas mal de monde. Eh bien là, on a lancé nos scientifiques là-dessus, et ils se sont rendus compte qu'à 85%, ça devrait être vrai. Alors, les chiffres sont vraiment élevés, 80 tantôt, 85 ce coup-ci. Oui, exactement. Donc, si on regarde ça comme ça, notre première vraie grosse tempête de neige devrait arriver dès le début septembre. Septembre. Dès le Il y a eu de la neige à quelque part, tu m'as montré les photos. Oui, tout à fait. À Edmonton, il y a neigé hier. Donc, il va faire généralement froid tout l'hiver. Il va falloir porter nos Canada Goose, guys. Mais on peut s'attendre à un réchauffement, attention, pour le veille du jour de l'an. Hey, ho! Donc, on va avoir une grosse draft de chaleur juste pour la nouvelle année qui va arriver. Et les villes peuvent s'attendre à des tempêtes de neige qui vont être majeures. Mmh. Donc, pensez là, aux déneigeuses, s'il vous plaît. Ils vont faire du cash. Oui, tout à fait, c'est sûr. Ou pas du tout, tout dépendant de comment vous voyez ça. Je sais pas. Mais si tu fais, tu fais de l'argent, si tu déneiges pas, mets un abonnement. Ah oui, je suis d'accord avec ça. Tandis que si tu dois sortir toutes tes déneigeurs à temps plein, temps triple, temps double, c'est pas fou. C'est pas tant le fun. On devrait voir aussi un changement climatique qui va se faire dans le futur avec beaucoup de variations. Et là, quand je parle de futur, je parle pas juste de l'hiver, là, mesdames, messieurs. Je vous parle de ce qui s'en vient là, dans les prochaines années. On va voir des orages qui vont éclater beaucoup plus souvent maintenant. On va voir des températures qui vont être beaucoup plus variantes. Mais à grande dose de variance. Donc, il va faire très chaud. Par la suite, il va faire très froid. On va avoir des températures qui vont être assez extrêmes dans les prochaines années. Et ce, même ici, au Québec. Et il y en a tellement à dire sur l'environnement, sur les changements climatiques. Si vous regardez, par exemple, le gouvernement fédéral ici, au Canada, eh bien, on se dit qu'on n'est pas nécessairement prêt pour les changements climatiques, mais il faudrait commencer à y penser. Ça fait pas comme déjà plusieurs années que plusieurs scientifiques nous alarment, mais écoute, on se penche sur la question quand ça arrive, faut croire. Ouais. Et la commissaire à l'environnement a affirmé que le gouvernement fédéral est loin d'être prêt pour les tempêtes majeures qu'on devrait voir en augmentation et qui sont prévues depuis quelques années déjà. Donc, on parle du nombre d'inondations qui vont augmenter. On parle aussi des incendies qui risque d'entraîner des changements climatiques quand même assez majeurs, encore une fois. Donc, dans les rapports annuels du gouvernement, on a quand même évalué plus de 66 milliards de dollars pour les changements climatiques, mais apparemment qu'on aurait mal jugé ces actifs-là, on les aurait mal évalués et on se dit qu'on pourrait continuer à offrir des services qui vont être en période de crise. Donc, il va falloir faire attention à tout ce qu'on fait dans les prochaines années parce qu'évidemment, ça va avoir une répercussion assez majeure sur pas mal tous les services qu'on entretient. Donc, les autobus, si on regarde aussi les urgences des hôpitaux, bien, ça va être encore plus encombré. Donc, il faut faire attention de ce côté-là. Et évidemment, bien, si ça vous tente, vous pouvez regarder Météo Média. Je pense que dans les prochaines années, ça va être de plus en plus juste ce qu'ils vont dire. C'est ça. On dit d'habitude de ne pas se fier sur eux, mais... Mais là, je pense qu'il faudrait commencer à le faire. Ouais. Eh boy. Voilà. T'es déprimante à matin. Ouais, je sais. Mais, tu sais, on parlait du fait que les changements climatiques, ça a un impact sur la production de café un petit peu partout dans le monde. Bien, sache qu'ici, au Québec, les changements climatiques ont un impact sur la production de sirop d'érable, Mathieu. Ah, mais dans le bon sens ou dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens. Depuis 3 ans maintenant, il y a des scientifiques et des chercheurs nord-américains de l'Université du Québec à Chicoutimi, l'UQAC, qui se penchent sur l'impact des changements climatiques sur la production de sirop d'érable et surtout sur sa qualité. Donc, l'étude a été inspirée par des producteurs de sirop du Canada et des États-Unis qui ont remarqué que la quantité et la qualité de leur sirop étaient influencées par le climat. Et là, évidemment, on parle de changements climatiques qui sont assez drastiques, comme je le disais tout à l'heure, depuis quelques années. Donc, on aurait notamment noté un recul de la production du sirop. Le sirop va être beaucoup plus clair dans les prochaines années. On considère aussi le sirop comme un produit encore plus haut de gamme vu cette complication-là à devoir le produire. Et on parle d'une hausse du sirop foncé ou ambré qui est considéré comme une moins bonne qualité. Donc, le sirop qui va être moins foncé va être plus prisé des consommateurs et va générer des revenus qui vont être beaucoup plus importants. Et les producteurs qui sont acéricoles disent justement à tailler leur érable de plus en plus tôt dans la saison. Il y en a certains aux États-Unis qui procèdent en décembre ou en janvier. Donc, on va voir un changement du goût du sirop d'érable. On va aussi voir un changement du prix du sirop d'érable. Mm-hmm. Soyez alerte. Et la saveur du sirop d'érable va être influencée aussi par la teneur de la sève et tout ce qui forme, en fait, le sirop d'érable. Donc, l'arbre qui va être utilisé va devoir défendre les stress environnementaux, comme par exemple les insectes ou la météo qui va être extrême. Donc, le lien entre les différents facteurs qu'on voit vont être mal compris par l'arbre et ça va faire une grande différence sur la saveur de notre sirop d'érable. Wow! Ça a de l'impact sur bien les choses. Pensez à vos crêpes, là. Tu sais? Hey, hein? C'est ça. Pensez à vos crêpes. Oui, vos gaufres. La morale, la chose. La chose sur laquelle vous mettez votre sirop d'érable. Oui, oui. Votre chum. Non, je sais pas. Ça pogne dans le poêle. Merci, Tania. Ça fait plaisir. On complète la chronique avec une chanson qui est tout à fait appropriée. C'est Saison estivale de Dilarama. À son blasphème. Joie. Dilarama avec Saison estivale à Assemblage Rocky pour compléter la chronique de Tania Beaudin. Oh oui. Après la pause, celui qui s'étouffe derrière, une chance qu'on a des fonds musicaux à l'émission parce c'est que merveilleux, hein? Tout le long de la chronique de Tania, ça en a... c'était juste de... Parlant de fond, c'est de la faute du fond, toute cette histoire-là. Ah, ouais? Ça pourrait prouver mes changements climatiques. Ah, exactement, il fait fret. Le seul soir qui faisait fret, ben, ça donne que t'avais une gang d'étudiants tout mouillés qui sortaient du 10-12. Fait que tout le monde a pogné à grippe, parce que c'est une épidémie. Une gang d'étudiants tout mouillés. Une gang d'étudiants tout mouillés, cahiers. On retourne Alex Marchand et sa chronique musicale et Nightlife. Reste là. À sondage le qui aujourd'hui, assemblage de qui? C'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou, c'est fou. 89. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? Pour toi aujourd'hui. Assemblage de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage de qui? We'll be right back. Toujours Assemblage Requis, on se met mercredi matin, c'est le 4 octobre 2017. Est-ce que j'ai manqué quelque chose? Alex Marchand, l'intro. Oui, elle probablement un des meilleurs loops de l'histoire, mais je vais faire une petite danse, honnêtement. Ça se danse bien, il y a un bon beat de drum. Genre, ouais, j'aime bien. Le bass drum est constant, puis genre, il est présent. Et fait intéressant, les risques du plasmique, ça a été enregistré live, donc en une seule, ben pas une seule prise, mais en un seul. Presque. Take, ouais. Si on veut. Dans le sens que la prise qu'on entend là est d'un bout à l'autre en temps réel. Même les éléments qui s'en viennent plus tard, et on les entend rarement, mais on va avoir la chance de les entendre aujourd'hui parce que ta chronique n'a pas encore de thème, donc on va entendre les crapauds, les grenouilles, les chiens, les chats derrière. Yay! Comme on le fait très peu souvent. Mm. Ok, oui. Donc, Alex Marchand, ancien président de la GEQTR, vous le reconnaissez, on l'a déjà reçu à l'émission plusieurs fois, que ce soit dans sa chronique de la GEQTR, dans la chronique Une grosse pointe à l'adresse. Et là, tu es de retour avec nous, on est très heureux de t'avoir. Ben, moi aussi, je suis heureux d'être avec vous autres. C'était tellement le fun l'année passée, ça me manquait. Tellement. Oui, ça faisait longtemps qu'on t'avait pas eu avec nous en studio. Au mois d'avril, probablement. Oui, c'était ma fin de mandat, la dernière chronique de GEQTR que j'ai faite. On aurait mis ta chronique. Si on avait mis ta chronique le jeudi, ça aurait été cool de pouvoir faire une grosse pointe d'adresse avec toi. J'espère que tu vas être dans le coin quand même. Ben, je vais essayer de passer. Génial. Je peux rien garantir pour l'instant, là, parce que mon agenda est encore booké. Là. C'est ça. Ouais. Genre booké avec la chaise galerie les soirs d'avant. Ouais, entre autres. T'as karaoké hier? Ah oui, j'ai dormi un gros, peut-être 5 heures, gros max. Ah oui, puis en plus, je me suis réveillé tôt. Fait que, et t'as des problèmes de bronches en plus. Oui, ben tu sais, comme je disais, depuis le foam party, là, c'était très beau. D'ailleurs, cette année, hein, on peut dire que, comparé à l'année passée, qu'il y avait eu des problèmes avec les machines à mousse, cette année, ce n'était pas un problème. Je les ai testés personnellement. Puis je peux vous garantir que si tu faisais la croix, tu devenais genre Jésus en mousse. C'était merveilleux. J'ai passé un beau moment, j'ai failli me noyer 3 fois. Puis c'est ça, pour un foam party réussi, il faut que tu passes proche de te noyer dans la mousse. Ah. Donc, c'est ça la clé du succès. C'était bien. Donc pour la partie nightlife, c'est fait. Le foam party, allez-y l'année prochaine parce que cette année c'était malade. Manquait un petit peu de monde par exemple. Ah, pour vrai? Je sais pas où les étudiants étaient. C'est populaire d'habitude ça, non? Effectivement, sauf qu'il y avait peut-être le manque de mousse de l'année passée. Puis probablement qu'il y avait quelques frileux qui se sont dit, le goût d'aller dehors avec cette température-là. Ouais. Je peux les comprendre parce que mes bronches veulent encore me péter la gueule. Ah, mais on a tous les bronches encombrées, même si Colin, pourtant, s'il y a un fan de brunch, c'est bien moi. Il n'y a pas de bacon, il n'y a pas de flat-dedans, c'est juste des bronches. Juste du mucus. Bref, tu l'as dit, t'es un gars qui sort le soir. Oui. T'es assez sortable. J'ai gardé les bonnes habitudes de l'AGE. J'avais pas beaucoup le temps, par exemple, de comment je pourrais dire, de donner honneur à ma passion pour l'alcool. Ah bon? Parce que, sachez, mesdames et messieurs, que j'ai eu ça un emploi à la Société des alcools du Québec. Donc, tu sais, j'en goûte beaucoup de sortes, puis j'apprécie beaucoup, dans le fond, les alcools, les spiritueux. Donc, tu fais pas l'oxobre? Oui, c'est ça, toi, ça t'intéresse. J'y ai pensé. Sauf moi. Tu sais, il y a plein de bonnes occasions de boire. Puis, surtout que, genre, avec des collègues cette fin de semaine, on se réunit, puis, tu sais, on en profite pour acheter quelques bonnes bouteilles, puis les goûter ensemble, puis en profiter, puis après ça, on peut les recommander à notre clientèle. Tu sais, bref, à la SEQ, tous les prétextes sont bons. Tu sais, on fait preuve d'éthique de vente, mais tous les prétextes sont bons pour essayer les produits, tu sais. Fait que, bref. Et ça, c'est votre ancien président de l'AGE. Donc, vous êtes passé d'un Soulon à une fille en génie. Fait que, vous voyez votre genre de... On voit qu'il y a une continuité. Ça reste dans le même domaine. Bref, t'es plus président de la GEA. Tu viens de présenter une chronique musicale et nightlife. Oui, exact. Qu'est-ce que ça va être, cette chronique-là? Parce que, tu sais, je me recycle dans d'autres choses. J'avais beaucoup de temps libre. Alors, j'ai commencé à... en fait, je m'étais acheté un... Comment on appelle ça? Un controller. Je vais l'appeler comme ça en anglais. Une console, si on veut. Une console, oui. Une tablette, à la limite. OK. Puis, pour commencer à essayer d'être DJ, juste pour le plaisir. Mixer d'une pièce à l'autre sur le bon beat, etc. Exactement. Disc jockey. Pourquoi c'est disc jockey? D'ailleurs, je trouve que cette expression-là est assez drôle, puis peut-être fausse maintenant aujourd'hui, parce qu'il n'y a plus beaucoup de disques qui sont utilisés dans le milieu. On pourrait peut-être s'appeler des USB jockey ou des disques durs externes des jockey. Des musiques jockey. Mais jockey comme un jockey sur un cheval. Fait que là, c'est comme t'es à cheval sur des CD, ça doit faire mal à la fente. Donc, si vous me voyez justement mettre de la musique éventuellement, ça se peut que j'ai les petits chapeaux qui mettent les jockey. Ça se peut que je ressemble à ça. J'aimerais ça, mais t'es beaucoup trop grand pour être un jockey, je m'explique. Ouais. Ah ouais? C'est pas genre 4 pieds 5 qui est jockey. Merci de briser mes rêves. C'est rare, les jockeys qui sont grands, je pense. Ben oui, c'est ça. C'est le stéréotype du jockey. Ben va à l'hippodrome. Je vais aller valider. En tout cas, quand j'ai été à l'hippodrome, il n'y en avait pas des grands. Ah ben Colin, c'est peut-être qu'il y a une limite de grandeur comme c'est à la ronde. Peut-être que l'aérodynamisme, tu sais, ça passe au-dessus de toi, faut pas que tu sois dedans. OK, faut que tu sois plus petit que le cheval. C'est ça. OK, ça va me prendre un très grand cheval. Exactement. Incroyable. Fait que c'est ça, fait qu'en gros, j'ai commencé à faire de la musique un peu, puis là, ben, de fil en aiguille, ça commence à être de plus en plus sérieux parce que j'avais pas d'autre chose à faire, donc je me suis investi dans le projet. Ce sont pas des mariages, là. Oui. Oui. Éventuellement. Ah, t'es genre. Kitten style. Tu sais, là, avec Adam Sandler, le chanteur de Nas. Ouais. Ouais, ben un peu. Là, ben, mais il chante pas. C'est ça. Ben, je pourrais chanter, par exemple. J'ai quand même une voix qui se respecte, là. Ouais. Un petit peu. Mais pas tant. Ben, ça dépend. Ben, je pense que oui. Tu te respectes, toi. Ben, je vais vous laisser juger le mardi à la chaise galerie. Ah. Venez me voir. Ou je vous dirai si je chante bien. Est-ce que tu vas chanter ta propre intro pour ta chronique dans le futur? Parce que je sais que tu vas m'amener une intro que tu m'as dit dans les prochaines semaines. Oui, oui, oui. Mais ça, c'était déjà chanté, mais plus ou moins, c'était plus musical, mais il y avait une petite partie où je parlais, je pourrais la refaire, ouais. Si tu veux. Tu pourrais la refaire. Quand, oui. quand mes bronches vont revenir en plus conflit avec, ouais, moi-même, là, ça va être... Parce que j'ai une voix de marde. On a trois voix. On a tous, ouais, c'est ça. Bienvenue dans le club. On fait de la radio, mais on a aucune voix en ce moment. Oui. Présentement, là, c'est la saison que les animateurs détestent. Ouais. Ouais, effectivement, ça, c'est clair. Mais tu sais, comme on sait plus. Il fait frais, il fait chaud. C'est mais, ça. Bref, tout ça pour dire que de ce côté-là, ben, je suis rendu beaucoup plus vers la musique. Ça a toujours été une passion pour moi. Ouais. Puis honnêtement, je suis content de m'être orienté vers la musique. Puis je vis bien avec ça, honnêtement. Donc, ouais, tu vas avoir hâte de faire ta chronique musicale. Oui, oui, puis c'est que ça fait déjà partie des recherches musicales que je dois faire à chaque semaine pour agrandir ma bibliothèque de musique. Déjà. Puis mm-hmm. être capable de. Parce que le but d'un disc jockey, c'est de foutre le party. Oui, en oui, fait, quand même. Avec la musique et avec les bonnes tunes au bon moment, c'est vraiment une notion de timing qui est hyper présente. Mm-hmm. Donc, je fais déjà une recherche musicale. Puis, si je peux faire découvrir certains rythmes ou certaines pièces aux gens à la radio, ben, ça va me faire plaisir. Du faire de bonnes transitions, hein? Oui. T'sais, contrairement à certaines personnes qui sont disjockeys, ouais, à certains endroits qu'on connaît. Ah, mais là, c'était des disjockeys. Oh, shot fire. J'ai pas nommé d'endroit. Moi, je le connais pas. Je suis du genre à percer les secrets en ondes. Je fais allusion à la dernière fois, j'ai croisé Alex dans un bar. Ouais. Et c'était pas hier? Non, c'était pas hier. Okay. Bref, j'étais en train de dire que oui, si t'es pour être DJ, il va falloir sérieusement que tu fasses ton propre mix à la maison. Là, oui. Puis que tu wicke, puis tu m'amènes cool, un seul bloc. Là, ah, parce que moi, cool, c'est moi qui vais faire tes mix. Là, j'aurais pas autant de talent que toi, là, malgré le fait que je suis aussi DJ à la radio depuis genre. C'est la même chose, hein, c'est fou. Hein. C'est pas la même chose. Très bonne idée, Mathieu. C'est retenu, puis je vais faire un sample, puis je t'emmène ça. Sample-moi ça. Je te samplerai ça, ça va faire. Donc, le principe de ta chronique, ça va être comment? Le principe de la chronique, ben en fait, ça va dépendre des semaines, il va des fois avoir certains éléments de musique, des fois il va avoir certains éléments de nightlife, puis des fois il va avoir certains éléments de dégustation de l'alcool et spiritueux. Oh. Parce que goûtant beaucoup d'alcool, je peux faire découvrir certains produits aux auditeurs en ondes. Ça va être difficile de les amener parce que, you know, la protection publique. Oui, know. Ouais. Il est 8h15, là. Et on a ça, déjà c'est goûté... un problème pour moi. On a déjà goûté à de l'alcool dans une grosse pointe d'adresse en tant que tel. Ouais, mais alors qu'on arrive, faut pas le dire. Faut pas le dire, mais on t'a en ondes à la radio. Ouais, c'est mais ça, ouais, exactement. On va les inviter. Avec un agent, tu sais, un permis de réunion juste pour goûter un shooter de gin, tu sais, ça serait merveilleux. Je sais pas, en tout cas, pour vrai, si on se fait dire qu'on n'est pas supposé goûter de l'alcool le matin, on va dire qu'on l'a fait pendant genre 3 ans. Mais faut pas le dire, on va se faire enlever notre licence. Rétroactivement, on n'aura plus le droit d'utiliser depuis 2011. Exactement. Exact, il va falloir t'enlever les enregistrements sur Internet, tu sais. Mais tout ça pour dire que ça, je vais amener mes notes, mais je vais garder dans ma tête. Peut-être, bon, on essaiera. Limite dans des petits flacons de lance, là, tu sais, ça passe bien. Mais tout ça pour dire que je vais essayer de faire découvrir certains produits à nos auditeurs. Mm-hmm. Donc, principalement, ça va être orienté vers la vie quand le soleil se couche. Ah, voilà. Exact. Tu vas nous montrer tes fesses comme dans... Moon Someone. Oui, vous pouvez d'ailleurs venir voir au studio de C'est Fou. Il y a une grande fenêtre sur le studio. Si vous voulez voir mes fesses, vous avez juste à venir. Vous me demandez, je les montre. Je et si on se fie à la moustique que quelqu'un a tué dans la fenêtre et qui nous a dit ça fait 3 mois, je l'ai tué puis qui est encore là, tes empreintes de fesses vont être encore là pour 3-4 ans. Fait que tu vas laisser ta marque. Donc. c'est exactement la manière dont je voulais laisser ma marque à l'UQTR. Voilà. Justement. Pas en tant que président, pour avoir changé les règlements et fait de l'AGE une institution. Je veux un Moon dans la fenêtre. Moi, c'est tout. Je demande pas grand-chose. Donc, maintenant qu'on sait comment ta chronique va se passer un peu, cette semaine, qu'est-ce que tu nous présentes? Oui, je vais vous présenter trois pièces de musique, en fait, qui... Des morceaux, dirait, des chansons. Des morceaux, des pièces, des chansons, que j'ai quand même apprécié cet été. En fait, j'ai fait quand même une bonne recherche musicale. J'ai découvert des styles que j'aimais plus, des styles que j'aimais moins. Ici, on est dans quelque chose qui est assez, je dirais, sous la terre. Underground. Moins connu. Je n'ai pas utilisé l'anglicisme parce que je sais que c'est beaucoup d'anglicisme, comme vous avez pu le constater. Si j'essaie de réduire le nombre parce qu'on est à la radio puis c'est francophone. Et toi, à la place de faire l'oxobre, tu fais l'oc expression francophone. Donc, ça, je vais présenter trois morceaux. Le premier étant un morceau de Bink, qui est un remix. En fait, un remix étant la pièce qui va être utilisée à la base, puis qui va être, il va avoir certains éléments, mettons, de, exactement. Il va avoir des instruments qui peuvent être ajoutés, puis avoir des sections qui sont coupées, qui sont remplacées par d'autres sections par un autre artiste, mais pour un autre DJ souvent. Puis fois c'est bon, fois c'est pourri. Pour rappeler, un remix est différent d'une réinterprétation. Donc, on utilise les morceaux de base de la pièce d'origine. C'est pas une, on refait pas à zéro, on prend des éléments. Oui, exactement. Okay. Puis des fois c'est très bien réussi, des fois c'est, tu sais, parce que selon ce que j'ai pu constater, puis encore là ça peut être complètement erroné comme, comme constatation, mais il y a les remixes qui gardent un peu l'énergie de base de la tune, puis il y a des remixes qui vont aller ailleurs. Je la reconnais quasiment pas. Exact, mais tu sais, il y a quand même l'idée de base, il y a les paroles de base, sauf que ça peut aller, si c'est bien fait, ça peut fonctionner quand ça va dans une autre énergie, mais généralement, ce qui fonctionne bien, c'est de garder l'énergie de base, changer certains éléments, puis de garder tout ça. Mais celui-là ici, on va quand même dans une autre direction. Joe Cole qui a vraiment rajouté quelque chose, une couche, je dirais, sur Do You, puis que c'est vraiment, vraiment une belle pièce, donc je vais vous laisser constater par vous-même. Mm-hmm. Puis je vais peut-être vous en dire un peu sur les deux artistes en question. Donc c'est Bink à la base qui a fait le morceau, puis ça a été remixé par Joe Cole. Donc Bink étant quelqu'un qui est originaire des États-Unis, principalement c'est quelqu'un qui fait du R&B et du hip-hop. Mm-hmm. Puis il est notamment connu pour avoir travaillé avec Jay-Z sur l'album qui est sorti en 2001, The Blueprint, qui est quand même un album du monde du hip-hop qui est assez respecté, puis qui a fait, ben il s'appelle The Blueprint, qui c'est pas pour rien. Puis en fait c'est ça, son nom étant Roosevelt Harrell 3, donc c'est d'où ça décrit. C'est respectable. Exact. Ou sur le troisième du nom dans c'est ton film. Hein? Il y a un nom de monarque. On s'entend Roosevelt, c'est pas. Ben, tu sais. Ouais. Donc, puis le Joe Cole étant un artiste danois qui est basé à la base un DJ et un producteur de musique qui a 10 ans d'expérience et qui fait des beats, on pourrait dire, qui sont assez. Qui sont assez prenants et qui donnent le goût de danser. Donc, il a vraiment fait un beau travail. On va pouvoir, je vais vous laisser en juger avec la pièce de You. On écoute ça. C'est dans la chronique qui n'a pas encore de nom. Alex Marchand. Fait que non, intro de chronique. Et ouais. On va être prêt. Exact. What I mean is I'm needing a feeling. I'm feeling a text from you. When I came up around you, saw something different. You know it's true. On my flight back from my life. I was thinking about the way things will never be the same again. So when I land that golden ticket, you'll still be my fixin'. I will need you every day. Do you think that I'm the one for you? Think that we can make it through? Think that we can be us two? Do you think that I'm the one for you? Think that we can make it through? We'll be right back. Je bouge le bras de façon peu subtile pour ça, ouvrir ça faisait l'intro. Partie du remix. Ah. Ça faisait partie du remix, ça veut dire genre parle pas à ce moment-là. Ah. Mais c'est pas grave, on s'amuse. Diplo, tu l'as dit. Diplo, exactement. Unlike un remix de Unlike Pluto. Mm-hmm. Diplo étant un fondateur du label Mad Descent, qui avec son EP Révolution, justement, qui est EP étant un disque, mais de courte durée. C'est ça, de peu de pièces. Exactement. Révolution, qui est d'ailleurs le nom de cette pièce-là, a atteint le top 60 du Billboard, qui est quand même assez prestigieux comme je dirais comment on pourrait dire de classement de musique aux États-Unis puis même dans le monde de toutes les sortes de musique confondues. Oui, exactement. Même si c'est un style de musique qui joue pas nécessairement tout le temps, c'est pas des hits là, mm-hmm. C'est des pièces de peut-être pas de dance, ben un peu dance floor peu. Quand même. Un peu dance floor, un peu big room, un peu. C'est vraiment. C'est surtout de la pop, je dirais, ouais. Sur le Billboard, j'imagine. Mais tu me disais semi-underground quand même. Oui, exactement. Celle-là, c'est un remix aussi. Ouais, c'est la pièce originale, Revolution, en fait, le top 60, mais c'est pas celle-là. Ok, je comprends ce que tu veux dire. Oui, oui, okay. L'original est plus connu que celle-là, maintenant. Oui, okay, exact. Je comprends. Il nous reste une troisième à entendre, toujours dans la chronique musicale Nightlife. Oui, mais je vais quand même juste finir sur Diplo, par exemple, parce que c'est quand même important. Il y a certains éléments sur cet artiste-là qui sont quand même assez impressionnants que j'ai constaté en faisant ma recherche sur l'artiste. D'ailleurs, il y a une collaboration avec Skrillex, qui est quand même un artiste assez respecté dans le monde du dubstep. Il a pratiquement créé le dubstep avec sa pièce Scary Monsters and Nice Sprites. Assez, oui. Puis, il y a une collaboration avec lui qui s'appelle Jack Hugh. Ils font des pièces assez spéciales. Ça va ailleurs, je dirais. Les deux repoussent leur limite dans le terme du dubstep et en termes de sonorité qu'ils vont travailler ensemble. C'est vraiment ils font du travail intéressant. Tu nous as pas encore mis de gros drops dans tes chansons. Ça s'en vient, les drops. Ça s'en vient, ça s'en vient. s'en vient. La misère avec les drops. Il y a du trap puis du dubstep qui s'en vient dans les prochaines semaines, mesdames et messieurs, ça va être malade. Explosion cervicale en perspective. Si vous n'aurez pas besoin de café ces matins-là, là, les drops vont vous réveiller solide. C'est bon, on aurait dû mettre cette chronique-là le lundi. On aurait dû. Puis une dernière chose aussi par rapport à Diplo, il y a une collaboration avec le producteur Switch qui s'appelle Major Lazer, qui est quand même assez connu. Ouais. Ils font des collaborations avec des artistes comme Madonna, Britney Spears, Beyoncé, No Doubt, Justin Bieber, Usher, Snoop Dogg, Chris Brown, G-Dragon, Toots and the Maytals. Donc, tu sais, il y a tout vraiment... Tout ce qu'on joue pas ici. Exactement. Tout ce qu'on peut pas jouer, mais c'est quand même des artistes assez renommés. Ouais. Donc, Major Lazer avec sa petite sonorité un petit peu plus reggaeton, un petit peu plus... tu sais, c'est jamaïcain à la base. Un peu plus original que ce qu'on est habitué d'entendre dans ce domaine. Exactement. Donc, c'était bien de savoir justement que c'était Diplo. Je ne savais pas avant de faire cette constatation-là que Diplo était Major Lazer. Puis au niveau de Like, plutôt, c'est quelqu'un du Minnesota qui est... non, de l'Atlanta, je m'excuse. Puis c'est un écrivain de pièces, puis un producteur de pièces musicales. Donc c'est à peu près ça qu'il fait. Puis c'est un major en biologie. Oh, bon. Ouais. Cool, un universitaire. Oui. On disait qu'il nous restait une troisième pièce de Vanek. Oui, puis ça, j'ai fait une recherche sur Vanek, j'ai absolument rien trouvé, à part que c'est un bald guy avec des lunettes de soleil. Ah, bon, d'accord. Bon, c'est le pitbull de bas étage ou... Non, mais il a l'air sympathique quand même. Il a l'air un petit peu d'un thug, puis genre, il se promène dans une rue qui est apparemment en Floride, il y a des palmiers. Ah, c'est juste ça que j'ai trouvé sur lui, sur son site web. Ouais, c'est, tout ce que tu me dis fait pitbull, avait, mais c'est pas pitbull. Peut-être. Non, c'est vrai que ça ressemble à pitbull, un peu, mais... Il y a moins de style. Ah, oh. Ouais, ouais, de ouais. Personnalité. Hein. Exactement. Ouais. Tu sais, il aurait pas fait Rockabye avec. C'est moins prétentieux, peut-être. C'est ça. Exactement. Mais c'est une pièce, encore là, comme vous allez voir, qui est assez smooth, un peu upbeat. Mais tu sais, upbeat dans le sens que ça va être assez. Ça met bonne humeur. Ça fonctionne avec le soleil. Ben oui. T'es bonne humeur quand il fait soleil. C'est de la musique petite bière sur le balcon l'après-midi, mettons. On pourrait dire ça. On va dire que c'est de la musique de fin de soirée ou d'après-midi. Ouais, exactement. Celui-là, il fonctionne en après-midi. Ouais. Je me sens bien d'écouter après-midi, ça. Après-midi, voilà. Ouais. On écoute ça, Vanek, à son âge recul. Too soon. Too soon. Gotta get myself out of this town. Cause we got a lot of history. And if I don't get away, I might drown. In a sea of haunted memories. Everybody wants to know what happened. Cause they thought that we were meant to be. And I'm sorry I don't have an answer. But people always asking me. Yeah, people always asking. People always asking. People always asking me. I tell them if you don't want me to keep feeling this pain. Don't say his name. worked up, all upset. I just can't talk about it yet, 'cause you know I'm not okay. I just don't know what's left to say. I told them if you don't want me to keep feeling this way. Je pense que j'ai trouvé le cue, Mathieu. Ouais, c'est vrai. C'est quand les speakers arrivent, ouais, genre là, ça veut dire que les micros sont allumés. Ouais. À cette heure, j'ai mon cue. Ça arrivera plus. Il fait juste de la radio avec nous depuis quoi, un an et demi. Que lorsque les colonnes de son s'éteignent, c'est qu'on est revenu en ronde. C'est ça, mais là, je vais m'habituer. Ça faisait longtemps que j'avais pas fait de radio. Ouais. Mais bref, c'était une pièce de Vanek, le gars qui est chauve et qui a des lunettes de soleil. On cherchait le nom de l'instrument. Là, c'est comme du xylophone en bois. Là. Tania pense que ça reste du xylophone, même si c'est en bois. C'est du xylophone parce que tu veux dire savoir pourquoi? Le mot xylo, là, ouais. Ça veut dire bois et fond. Arrête donc! C'est-à-dire son. Wow. Parce que David Ferron pensait que c'était du balafon. Du balafon? Non, pas nécessairement. Ça sonne pas comme le balafon, finalement. C'est un balafon qui est un instrument africain. Je me rappelle plus quel pays. Parce que celui qui est en métal, ça s'appelle un glockenspiel. Ah, ouais. C'est le mot que je cherchais, en plus! Ouais, moi aussi. Ouais. C'est peut-être électronique aussi. Peut-être que c'est créé par ordinateur, c'est ça? Oh, définitivement. Il y a des logiciels comme Fruity Loops ou encore Avid qui produisent aussi des logiciels. Puis, genre, c'est des instruments préenregistrés, genre toutes les notes de la gamme. Sur la bonne place dans ta... Tu lis ça sur un piano, tu fais ça sur, après ça. C'est tout fait de façon électronique. Majoritairement, les chansons pop ou les chansons électroniques vont être faites par ordinateur. Mmh. Ouais, c'est ça. Ils font toutes partie de la famille des idiophones. Oh, ouais. Oh. Oh. On pourrait faire beaucoup de liens avec idiophones, mais on va finir la chronique. Les téléphones pour idiots. Alex, tu nous as présenté trois pièces. Oui. Vraiment cool. Très, très différent comme ça. On n'a jamais entendu ça dans une chronique jusqu'à maintenant, donc c'est vraiment cool. Chronique nightlife musicale. Peut-être que tu vas nous dire. Équitation d'alcool. Ouais, oui, équitation d'alcool. Et oui, équitation. Parce qu'il ne faut pas boire en conduisant, mesdames et messieurs. Et ça nous rappelle le disque jockey du début de la chronique. Tout à fait, exactement. Ouais. Ah, on a fait le cercle jusqu'au début de la chronique. Exactement. Je pense qu'on vient de rapper ça, je vais m'en aller. On fait la belle radio. Alex Marchand, contente de l'avoir et on va te retrouver pour l'instant chaque semaine. Oui. Pour l'instant, chaque semaine, exactement. Pour l'instant, les mercredis à partir de 8h. Ok, oui. Merci, Alex. Merci à vous. David Ferron, qui est toujours avec nous. Bonjour. Dans quelques instants, tu vas nous faire une petite chronique Zone Campus. Un petit avant-goût de ce qui s'en vient dans ta chronique tantôt, David. En fait, ça va être vraiment un résumé très, très sommaire parce que puisqu'on vient toutes les semaines, on pourra pas faire des chroniques de 30 minutes. Ben non, mais c'est surtout pour mettre l'eau à la bouche. Ouh, on aime ça. C'est dans quelques instants et avec peut-être même de la musique avec David Ferron. Oui, on prend une petite pause et on vient rester là. Sondage requis pour toi aujourd'hui. Sondage requis. Oui. C'est fou, 89. Sondage requis. Vous êtes toujours à Assemblage Ricky. Alexandre Marchand vient de nous quitter. Ouais, malheureusement. Alex Marchand. On a appris que sur son baptistère, là, c'est vraiment Alex. Oui. Il n'y a pas de Andre. Ben là, il va être fâché. Je m'excuse, Alex. Et c'est pas grave. Alex. On a Alexander le lundi matin. Oui. Alexander Brett. Exactement. Lui, trompe-toi pas non plus, Alexander. Non, c'est ça, exact. Ouais. Un nom plus facile à retenir, celui de David Ferron, quand même. Peu de syllabes. Je pense que c'est, ça fait la job, tu sais. David, David. Oh, tu sais. Qui est là pour nous parler du Zone Campus. Salut, David. Bonjour. Allô. Mathieu Plante et Tania Bourdin. Bon matin. On s'appelle par nos noms complets. Ça fait vraiment formel. Oui, c'est ça, exactement. C'est juste beau de dire faux nom parce qu'il n'y a pas non plus beaucoup de syllabes. Mais j'avoue, hein, Mathieu Plante, 3 syllabes. Oui. Tania Bourdin, 4. David Ferron, 4 aussi. Je gagne parce que j'ai moins de syllabes. C'est la chronique du haut. 2 syllabes. 3 syllabes aussi. Zone. Campus! Zone Campus, offert gratuitement à l'UQTR et dans plusieurs commerces à Trois-Rivières. Zone Campus, un journal qui frappe. Ah, si on faisait du mime pour le Zone Campus, je sais pas comment on le mimerait à la radio. Zone, comme dans genre autour de nous, on fait un cercle autour de nous. Camp, comme dans genre, camp? Ah. Puis puce, comme dans genre, oh, je gratte la tête. Je me gratte, le... ouais, c'est ça, les puces. Ouais. Ouais, je sais pas, bref. Pourquoi est-ce qu'on fait du mime à radio? Je sais pas, mais David bouge beaucoup, donc ça m'inspire. Ça. Quand un peu sur les antibiotiques, je devrais pas trop bouger. Non, c'est ça, on fait juste continuer la tradition de dire que tu bouges beaucoup, même si présentement, ça veut pas dire que c'est vrai. C'est de la radio visuelle. C'est de la radio visuelle. Donc, David, Zone Campus qui est sorti pour le mois d'octobre, on en a parlé la semaine passée un petit peu. Et puis, j'imagine qu'il y a du nouveau qui se passe en ce moment et des choses sur lesquelles vous travaillez. Oui, oui, même si le format papier ne sort qu'une fois par mois. Là, en plus, là, c'est une fois par mois, mais l'édition du mois de novembre va tarder. Ben, pas tarder. Le 7 novembre. Que, oui, exactement, parce qu'on l'a sorti le 26 septembre pour l'édition du mois d'octobre, exactement. Donc là, il y a comme une semaine de plus. Donc, il va falloir attendre une semaine de plus, puisque le Zone Campus est sorti une semaine plus tôt, l'édition d'octobre. Tout à fait. Après ça, on va prendre un rythme un petit peu plus régulier. Oui, d'ailleurs, j'annonce un petit couple de reportages. Oh, wow! Ooh. Oui, on va parler du Movember en reportage. Super! J'en dis pas plus. Ça existe encore, ça? C'est ça qu'on veut, justement, le reportage sert à savoir. C'est moins à la mode que c'était. C'est ce qu'on veut savoir. C'est ça. Donc, le Zone Campus, nouvelle formule avec plus de reportages, plus de portraits, plus de chroniques. Il y a vraiment beaucoup de contenu. On l'a dit un petit peu plus intemporel quand on en a parlé. Il n'y a pas juste de l'intemporel quand même. Quelques petits événements qui sont couverts quand même, qui valent la peine d'être dans le journal papier. Mais quand même, le reste est sur le zonecampus.ca, le double de chroniques en fait sur le site web. Oui, quand le blog ne plante pas. Ah, il a planté pendant genre 12 heures. Là. Oui, mais merci, merci d'avoir tout réglé ça. Qu'est-ce qu'on ferait sans toi? J'ai réglé ça ce matin, ça a planté vers les, je dirais peut-être 18h, 17h, quelque part. Bref, peu importe, hein, c'est comme ça quand on est hébergé par quelqu'un qui est dur à contacter des fois. Mais bon, on les remercie quand même. Donc, sur quoi est-ce qu'on travaille, de quoi est-ce qu'on parle dans ta chronique aujourd'hui? Dans les chroniques aujourd'hui, là, c'est sûr que c'est le blog qui va rouler beaucoup. Là, ça va, ce qui va sortir ce matin, il y aura le dernier match de l'improvisation qui a lieu lundi, parce que par ailleurs, on veut donner une plus grande visibilité par rapport à l'improvisation. Ah, c'est une bonne idée. Parce que je trouvais que l'année passée, on les négligeait un petit peu. C'est vrai, ben on les couvrait vraiment, vraiment beaucoup, presque à chaque match par le passé. On décrivait ça un petit peu comme un match sportif, l'improvisation. Après ça, l'année passée, on a vraiment comme slacké ça. On a commencé à parler pas mal juste des matchs importants, les matchs de début, mi-saison, fin de saison. Là, on va revenir à un rythme plus régulier. C'est ça? Oui, ça. Puis ça va apparaître comme des pages ou brèves sur le blog. Avec photo quand même. Oui. Avec photo, puis également, on va, à chaque mois dans le journal, faire un portrait d'un joueur. Ah, bonne idée. Nice. Oui, parce que c'est des joueurs qui sont très impliqués dans leur communauté. Mm-hmm. On prend par exemple Alex Marchand qui était là précédemment, qui a joué à la lutte. Je sais pas s'il joue cette année. Non, malheureusement, il n'a même pas fait le camp. En fait, il n'est pas venu. C'est un retraité de la lutte. Ben, je pense qu'il a pris. T'es occupé. Il a fait beaucoup de choses l'année passée. Fait qu'il s'est dit, OK, cette année, je fais comme plus mes rien. Mes études. Juste des études. Et être DJ. Et être DJ, en effet, de mariage, comme on l'a dit. Quand même. Quand même. C'est des soirées de temps. Quoi d'autre? Donc, aussi, pour la lutte, il va également avoir des brèves sur les deux festivals de poésie. Parce qu'il y a le Festival international de poésie qui roule depuis vendredi, qui se termine dimanche, qui s'en vient. Sauf qu'il y a ce qu'il appelle le off. On veut couvrir les deux. Nous, pas de compétition, tout le monde a une place dans notre cœur. Le même palier pied d'égalité, tu sais. Parce que le off, en fait, ce que ça permet, c'est que ça permet de donner une plus grande place aux artistes de la région. Mm-hmm. C'est ça que le off sert notamment, justement, à permettre à des artistes, par exemple, comme Sébastien Delude et même Pat Cossette. OK. Oui, il va être dans le off festival, surprise. Moi aussi, j'étais surpris. Oui, ça prend par surprise. Faire un retour. Ben oui, donc c'est bien, ça permet de donner de la place à toutes sortes d'artistes de la région. Aux artistes locaux, ben oui, c'est ça, exactement. Donc également aussi, il va y avoir un topo sur la galerie R3. On ne les a pas beaucoup couverts à date cette année, mais là, ça roule beaucoup. On les couvre à la radio au moins, tu sais. Oui. Hein, quand même, on a reçu Lorraine Beaulieu hier pour parler de Radio Dehors. Oui, ben donc, justement, il va y avoir un papier là-dessus de la part de Marc-Christine Perez, qui est toujours fidèle au poste. Oui, elle, qui est là depuis quand même, ça doit faire au moins 3-4 ans qu'elle est là. Oui, je pense que c'est sa quatrième année, justement, notre experte en art visuel. Oui. Elle va parler également de l'exposition d'Antonietta Grasset, qui est une artiste de Montréal qui s'intéresse aux cubes et aux formes géométriques, ça a l'air mathématique. Est-ce que tu penses qu'elle va faire un petit exposé sur comment ça qu'il manque de cubes à l'entrée de l'UQTR depuis qu'ils sont en rénovation? Tania, elle se pose tout le temps la question, sont où les cubes en ce moment? Il se passe quoi? Est-ce que le zone campus enquête sur la localisation des cubes? Exactement, puis tu sais, en temps normal, lorsque tu as un chantier de construction, tu vas avoir une maquette de ce à quoi ça va avoir l'air oui, à la fin. Au centre-ville, le centre musée de je sais pas quoi, de l'art visuel, truc informatique, il y a une photo de la bâtisse en 3D. Comment ça fait qu'on n'a pas ça ici? On n'a pas ça ici. On sait pas à quoi ça va ressembler à la fin. Ce qu'on voit, c'est des blocs de béton et des gars qui placent des draps dessus, c'est ça? Puis ils arrosent. Ils arrosent, ouais. J'imagine qu'en construction, c'est bien connu, mais nous, ça nous... On trouvait ça étrange, en tout cas. C'est peut-être un concept. Peut-être, c'est de l'art. Oui, mais on veut le savoir, le concept. Transparence! Oui. Tap, tap! David, travaille là-dessus. C'est, okay, c'est bon. Les cubes! Oui, on veut savoir. Bonjour. Nous au revoir, j'ai travaillé sur les cubes. Oui, s'il te plaît. Comme la semaine passée, quand il est parti, avant même que sa chronique commence, pour aller couvrir la nouvelle de la chasse-galerie. Tu te souviens de ça? C'est un beau souvenir, ça. Oui, puis là, j'étais hyper malade, donc mon cerveau était pas là, puis j'étais pas très attentif, donc on expérimente des trucs. C'est ça, on essaie des affaires, mais c'est le fun. Ça vaut la peine d'essayer des choses des fois, sinon tu t'ailles. Ben oui. C'est ça qu'il faut, c'est pour ça qu'on a fait un virage à 180 degrés. Tout à fait. Une chance, on n'a pas fait un virage à 360 degrés pour venir exactement comme on était. Non, on veut pas tourner en rond. Ce serait pas le fun. Non. Comme un petit chien. Donc ça, on a fait le petit topo en art et spectacle. Mm-hmm. Ce qui s'en vient en actualité, c'est la semaine sans oui, c'est non. Oui. Donc que la JUQTR organise. Et il va avoir un petit papier là-dessus de la part de Chloé Rousseau. Ah, cool. Donc, on a vu les petits bracelets, macarons, autres trucs comme ça. Un porte-carte, je pense. C'est ça, un porte-carte qu'il y avait avec le si oui, c'est non dessus? Oui. Sans oui, c'est non. Oui. Et des bracelets. Si oui, c'est non, je sais pas. Si oui, c'est non. Ah non. Mathieu, on recule dans le temps. Je m'excuse, ça sort tout seul. Mathieu. Ah. On ne te connaît pas. Ça a sorti tout seul, dit-il, c'était en présentant ça. Ils disent tout ça. Hein? Je l'ai sorti de ça. C'est ton fond machiste patriarcal, sûrement, exact. Qui ressort. C'est ça, exactement. Ouais. Donc, il va y avoir un papier là-dessus. Sur le blog. Donc, on avait dit aussi qu'il y aurait également un reportage sur le Movember plus tard sur le format papier. Donc, dans le journal du mois de novembre. Oui, exactement. Okay. Donc, aussi, article, portrait d'étudiants aussi, parce qu'on veut s'intéresser à ce que les étudiants font. Je sais que Myriam Lortie, qui est ma grand-mère spirituelle. Oui. Tu peux dire ça comme ça, je m'excuse, Myriam, si tu nous écoutes, mais qui était rédactrice en chef. Par le passé. Entre 2014 et 2015. Voilà. Notre modèle à suivre. Oui, exactement. Notre muse. Oui, notre exactement. Gourou. Puis qui nous donne toujours des bons conseils. Oui. D'ailleurs, même si elle travaille, en fait, pas travaille dans l'ombre parce qu'elle s'illustre dans l'hebdo. Oui, l'hebdo journal. Oui, mais dans le sens qu'elle m'envoie parfois des conseils ou des primeurs, des scoops. Oui, parce qu'elle nous aime encore. Oui. Fait intéressant, je sais pas, je te l'avais dit, David, toi qui as tellement aimé travailler ta première année aux Ondes Campus avec un rose pamplemousse comme couleur, est-ce que je t'ai dit que c'est Myriam qui avait choisi cette couleur-là? Oui, ben en fait, c'est beau sur PDF, c'est quand ça sort papier. Ouais, le papier, faut pas trop le regarder trop longtemps parce qu'il sort pas tout le temps comme il est supposé. Mais là, en ce moment, le numéro qu'on a, il sort bien. C'est un bon choix que tu as fait pour le pour Mante. C'est Mante comment qu'on appelle? Moi, je dis vers Mante. Notre ami et chef de pupitre, Marie Labrousse, a essayé de trouver un nom comme Mante poivrée, Mante à l'eau, mais c'est comme exactement entre les deux. Oui, ça donne le goût de licher le journal. Absolument. C'est très, très tendance, très... boutique de thé quelconque. Ça fait rappeler un peu ben en fait, quand je dirais ça, les vieux ondes campus quand c'était vert, mais avec un côté plus frais. Plus frais, exactement, parce que on ne reviendra pas à ce vert-là, qui était le même vert que la GEQTR en ce moment, donc non. Ben, c'est bien comme vert, mais le vert que t'as, c'est excellent. Oui, faut pas confondre le zone campus et la GE, c'est pour ça en fait qu'on a changé de couleur à la base. Mais tu remarqueras que les couleurs sont pas mal toujours un genre de pastel. D'après moi, ça va rester pastel pour toujours. Oui, ça sort bien. Ouais, j'aime ça. Mais surtout les articles aussi. Bref, je suis content. Vous avez fait du beau travail, Marie Labrousse, qui est justement chef de pupitre, qui s'occupe davantage du côté papier. Mm-hmm. Donc, parce que moi, mon but dans la vie, c'est de rien faire. Non, ton but dans la vie, c'est de t'occuper du zonecampus.ca, oui. De la page Facebook, oui. Des assignations des fois, donner ton mot à dire sur la page couverture, conseiller les gens, recevoir leurs messages. Fait que tu sais, quand tu dis rien faire, ça dépend de ta définition de rien faire. Ouais, c'est ça. Oui, c'est sûr qu'on est toujours impliqué. Marie aussi, les journalistes aussi sont dévoués aussi. Donc, tout le monde c'est ça qu'il faut. C'est ça le secret d'une recette gagnante. Tout le monde met la main à la pâte. Exactement. Comme toi, une chance que t'es là. Aussi, Tania, pour les pubs aussi. Merci, merci. On a tout notre rôle. C'est ça. C'est important. Belle stick. Ben oui. Ben oui. Non, voilà, ça, c'est ce qui s'en vient dans le prochain Zone Campus pour le mois de novembre. D'autres trucs vont être couverts sur le blog. Oui. Les dépêches sortent aussitôt que possible. Oui. D'habitude, quand un événement a lieu le soir, pas mal le lendemain, ça se partage sur le site et après ça sur la page Facebook. Oh, oui. Donc l'endroit, la source principale de vos nouvelles, ça devrait être lezonecampus.ca. Oui. C'est là que ça passe en premier et après ça, on l'envoie sur le Facebook. Oui, exactement. Voilà. C'est la procédure. Oui. Cool. Merci, David. Ben, ça me fait plaisir. J'ai envie qu'on entende une pièce. Tu oui. nous as pas envoyé de pièce cette semaine. Par contre, tu m'en as envoyé une dans les derniers jours et tu m'as dit que j'allais aimer ça, même oui. si ça pourrait être un petit peu trop pop pour nous. Ben, peut-être, mais oui puis non, parce que c'est pas de la pop, par exemple, à la Adele ou ouais. encore à la Lara Fabian qui a sorti une nouvelle tune. Je l'ai pas écoutée. Ah, merci, on n'écoutera pas ça. Ouais, non, merci. Oh. Donc, c'est par Alice Merton. Parle-nous oui. d'Alice Merton un petit peu. Alice Merton, en fait. Oh, excuse-moi, Merton. Ben, c'est pas Merton. Ben, je pense que c'est ça, je sais plus, parce que, en fait, Alice Merton, c'est un peu compliqué. Ben, pas compliqué, c'est riche comme parcours. Riche. Oui. OK. Parce que en fait, elle est née en Allemagne, mais elle a déménagé aux États-Unis, au Canada. Elle explique dans une entrevue qu'elle a déménagé comme 12 fois dans sa vie, mm-hmm. entre autres. Puis là, maintenant, elle habite en Angleterre. Elle a sorti plus tôt cette année un simple qui s'appelle No Roots, okay. qui était numéro 1 en France, numéro 6 en Israël, qui était dans le top 10 dans plusieurs pays européens. Et No Roots, ça raconte justement son parcours en temps, parce que son père, je pense, si je ne me trompe pas, il est militaire ou ambassadeur, faudrait que je vérifie. Mm-hmm. Mais ça raconte justement son explication comme quoi elle, sa maison, c'est pas un lieu physique. Oui, elle n'a pas de racines. Mais ses racines, c'est par rapport aux personnes avec qui elle est. Et c'est vraiment une belle voix. Ça fait penser un petit peu à celle de Florence Welch. OK. Une voix vraiment chaude. Mm-hmm. C'est pas une voix hyper puissante, mais c'est pas ça le but. C'est une voix qui est rassurante aussi. Je crois que tu l'as trouvé bien belle bon, aussi. Bon, il fallait évidemment qu'il dise que la raison pour laquelle il m'en a parlé au départ, c'est pour mon attirance physique oui. envers elle. Et il a visé juste. C'est comme ça que j'attire Mathieu. C'est ça. Ça fonctionne. Mais elle est très talentueuse. Oui. Alice Merton. Oui. Avec No Roots oui. dans la chronique Disons le campus. Ça n'a rien à voir avec le campus, par contre. Absolument rien. Non, c'est un extra. Un extra. Un bonus. Oui. Une dépêche. Une zone extra. I like digging holes and hiding things inside them. When I grow old, I hope I won't forget to find them. 'Cause I've got memories and travel like gypsies in the night. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots. I've got no roots. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no roots, but my home was never on the ground. I've got no them. I've got no boots. Alice Merton avec la pièce No Roots. Pas mauvais pantoute, ça. Non, ça fait penser un petit peu à du Franz Ferdinand, l'espèce de vibe un peu groove, ouais. Soul. Mm-hmm. J'aime ça. C'est très bon, ça. Merci, ouais. David Ferron. Ben, ça fait plaisir. On va se reprendre pour une autre chronique Zone Campus dans une semaine. Oui. Toujours les mercredis matins à 8h30. Ça devrait bien aller. Ça devrait bien aller. Ta gorge va s'en remettre et la nôtre aussi, j'espère. Oui. Tania et moi, on partage la même gorge. Ah ouais. C'est triste, ça, de partager ce genre de truc-là. On revient avec Gabriel Béaud et dans les coulisses de la lutte. À son âge de qui? Pour toi aujourd'hui. À son âge de qui? Oui, oui, oui, oui, oui. C'est fou! Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. Oui, oui, oui, oui, oui. Assemblage requis pour toi aujourd'hui. Assemblage requis. C'est la troisième heure d'Assemblage requis en ce mercredi matin, 4 octobre 2017. Elle est Tania Baudin. Et Mathieu Blanc. David Ferron nous a quittés, mais Gabriel Béaud va bientôt prendre sa place pour la chronique d'improvisation dans les coulisses de la Luître dans quelques instants. Plus tard, après ça, on a d'autres affaires, probablement du son foutu palmarès, mais je pense qu'on va passer le plus de temps possible avec Gabriel Béaud. Ce qui est étrange, c'est qu'il est seulement 8h58, donc non seulement oui. Est-ce qu'on est dans les temps, on est à l'avance. C'est vrai? Première c'est fois une chose qui est rare. C'est très, très, très rare. Faut le dire. Je sais pas ce qui se passe. On a tout un plan d'émission, sachez-le. Tout le temps, oui, oui. Tout le temps. On se rend pas toujours jusqu'à la fin de ce qu'on a prévu. C'est ça, exactement. Comme toujours. Bref, on a le temps pour de la musique, c'est ça que ça veut dire. Donc, écoutons un petit peu de Canaille. Avec Rendez-vous galant. Oui, tu te laissais attendre. C'est ça, exactement. À l'envers, il y a une fois qui se passe. pas si bon temps. On sait bien que ça durera pas, mais c'est pas important. Canaille, avec Rendez-vous galant. Aujourd'hui, Tania et moi, on anime de façon évachée. Ouais, oui. Vraiment, hein? Vraiment, moi, j'étais assis sur ma jambe. Tania était évachée en arrière de sa chaise. Et là, Gabriel c'est... arrive et est tout sérieux. Oui. Ouais. C'est ça. Moi, je suis pour une fois, Gabriel a l'air plus sérieux que nous. Ouais, je suis. Oh, mais nous aussi, on est debout depuis 5 heures. Nous autres aussi. Eh, que voulez-vous? Hein? Hey, parlons d'improvisation. Oui. OK. Voici Dans les coulisses de la Luitre. Mathieu Plante, ça va bien ce matin? Salut! Hey, Colin, tu prends le lead, c'est le fun. Salut, Gabriel Béhoud. Eh ben oui, ça va. Un vrai nouvel animateur de l'émission. Toi, t'en as ça va très bien, merci. Ah oui. Enfin, on change la formule. J'ai mal dans le cou, mais ça va bien. Ouais, est-ce que t'as dormi sur le divan? Non, d'après moi, c'est mon oreiller qui était mal placé. Ah, le fléau. Ça se passe mal dans son coup, pas dormir. Ouais, exactement. Non, c'est ça. Bref, Gabriel Béhoud, toi, les épaules vont bien? Tu te sens décrispé un peu? Ouais, ça va pas pire. Ouais? T'as fait tes étirements en prévision du précédent match d'impro de lundi? C'est exact. Ouais, ça a bien été. Je suis réchauffé depuis lundi. Oui, c'est ça. Ben, il y a une bière gratuite par joueur. Exactement. Pendant le match. Donc, les Rouges et les Verts qui ont joué cette ben semaine. Ben oui. Le premier match régulier de la saison. Ouais. Un match là, qui a été chaudement disputé, d'ailleurs. On peut dire tout de suite le score, là, je crois. Oui, on commence tout de suite par le score. Ça s'est terminé 9-8, si je ne m'abuse, oui. Pour les Rouges. Par une fusillade, en fait. C'était égalité jusqu'à la toute fin du match. Oui. Et on a annoncé... Une fusillade. Oui, une fusillade, en fait, là, pour les gens qui suivent l'actualité. C'est vraiment pas approprié. Non, non, non, exact. Une fusillade, c'est très simple. C'est que chaque joueur se présente. Il y a plusieurs styles de fusillade. Au deuxième étage d'un hôtel, c'est ça? Exactement. Là, c'était vraiment une fusillade en comparé. Donc, par exemple, chaque équipe passe, tous les joueurs y passent. On passe un à la suite de l'autre. Dans le fond, un rouge, un vert, un rouge, un vert, un rouge, un vert. Et puis on termine avec un rouge, un vert. Hey, wow. Et puis tout le monde fait une courte improvisation d'une trentaine de secondes, sans caucus. Donc on reçoit le thème et bam, on doit commencer l'impro. Un mot. Oui. Exactement. On donne un mot. Un mot ou une expression, par exemple. Et puis on fait une petite, une très courte improvisation. Sans filet. Non, exact. Et puis l'objectif étant de remporter la faveur du public sur le point ultime. Parce que, comme au hockey, en fait, la fusillade en improvisation va déterminer le vainqueur du match, surtout lorsque c'est en prolongation. Parfois, on peut voir des fusillades, comme ça a été le cas d'ailleurs durant ce match-là, en début de match. Donc, la fusillade va commencer le match. Une belle façon de casser la glace, puisque, dans le fond, on y arrive sans aucun caucus. Donc, on doit immédiatement se mettre dans le bain. C'est toujours agréable. Faut un talent pour ça, je pense. La fusillade, c'est une des catégories qui est pas facile. Surtout qu'en 30 secondes, ça passe extrêmement vite. Oui, et souvent, t'installes quelque chose, t'arrives pour faire la finale et t'as pas le temps de la faire. Non, c'est ça, on tire dans la face. Vrai, hein? C'est vraiment pas le fun, ça. Exact. Hey, Gabriel, on tire dans la face, comment? Moi, je sais. Mais la fusillade, là, l'objectif, là, c'est de puncher au maximum. À le plus de gens possible dans la foule. Ouais, c'est ça. Faut que le plus de monde nous trouve drôle. Ah, oh boy. C'est lourd. faut que c'est pas des farces, faut que les gens meurent de rire. Non, mais là on va arrêter ces blagues là. T'es trop loin. Oui. Et toi, à chaque fois qu'on te prend en photo, t'as aussi les yeux fermés, je pense. Comme le. Ah, ça se peut, j'ai pas vu les. Donc c'était les Verts contre les Rouges, oui, qui ont joué ce lundi soir dernier. Donc ton équipe à toi, Gabriel Béhout, capitaine. Oui. Accompagné de Marc Lachance. Ah, oui. Et de Karine Perron. Oui. Et d'une recrue, Gabrielle Lecomte. Oui, exact, une recrue qui provient là, du collège, si je ne m'abuse. Ah. Qui étudie en enseignement au secondaire. Comme toi, pas mal, ça. Comme j'ai étudié, oui. Comme t'as étudié. T'as fini les études, t'es rendu enseignant. Remplaçant. Ouais. Sublire. Est-ce que t'as, ouais, est-ce que t'as le droit de dire que t'es enseignant, même si t'es... Pas à la quantité c'est de que c'est un grand dilemme. C'est dommage. Ensuite, les Verts. Francis Dugré-Lamprun est en capitaine. Oui. Joué avec Jocelyn Garneau, Frédéric Simon, les deux qui sont de retour. Et Caroline Talbot, il faut prononcer le T, nous a-t-on appris à la oui. Région avant le match lundi. Oui, comme le joueur de hockey Maxime Talbot. Ah, bon, tu vois. Mais oui, oui, Caroline, c'était son premier match régulier. Elle frappe fort, elle, là. Oui, vrai, ça rentrait. Pour vrai, elle gague sans cesse. Ça rentre au poste. Ouais. Une petite comique! Nos substituts n'ont pas joué ce match-ci, malheureusement. Non, malheureusement. C'est comme ça. Les étoiles du match, tiens, parlons-en. Je vais te décerner, toi, de l'équipe des Verts, de la part de l'équipe des Verts, oui. À l'étoile au rouge qui va à toi, Gabriel Béhout. Oui, merci, c'est gentil. Toi et ton équipe avaient donné l'étoile à Jocelyn Garneau des Verts. Oui, qui n'a cessé de nous époustoufler. Toujours très, très drôle. Un habitué de la lime qui maintenant joue aussi dans la Luitre. Oui. Félicitations à lui. L'étoile de l'arbitre, oui. Notre ancien co-animateur, oui, Fred Simon. Fred a connu un très fort match. Puis oui. Pour le public là, qui vient à la Chasse-Galerie, qui nous écoute ce matin, ouvrez grand vos yeux. Frédéric devrait avoir une très forte année, à mon avis. Absolument. Il est vraiment revenu en force. Oui. Il fait des mimes, il fait tout. Il fait des expressions faciales, des effets sonores. Il est drôle. Oui, c'est un joueur complet. Oui. Puis il est bien entouré, disons. Mérite sa place. Ah, définitivement. Frédéric Simon, donc cette année dans le 8. On a eu quelques catégories amusantes. Oui. On a eu un thème à compléter. Donc ça, c'est une catégorie qui revient à l'occasion. Le thème à compléter, cette fois-ci, était, je crois, Maxime, célibataire et... Et puis là, les gens devaient compléter, chaque équipe décidait comment elle complétait le thème, ce qui allait grandement influencer l'improvisation, puisque le thème, c'est... Ben, c'est le thème de l'impro. Ouais. On doit le respecter afin de faire une improvisation qui est conforme à la carte thème. Absolument, absolument. Les Verts, eux, ont fait célibataire et... T'en rappelles-tu, Mathieu? Pas en tout. Moi non plus. Je me rappelle jamais de rien. C'est pour ça que je pourrais te donner mon pad quand on fait ce boulot de la chronique. Ah, définitivement. En fait, j'avais un nouveau co-animateur cette semaine. Et en fait, il va être là pour la saison au complet. Ben oui. C'est Stéphane Huard. Zamorano. Ouais, c'est cool que t'aies Zamorano, un co-animateur en résidence cette année. C'est Zamorano, son nom. Oui, il est super le fun, super fin, il embarque vraiment dedans. Oui. Sauf qu'il écrit pas particulièrement bien, comme tu peux voir lors de la page du score. Si tu veux essayer de comprendre de quoi là-dedans. Oupla. Bonne chance, on dirait un médecin. Oui. On comprend le score, c'est l'essentiel. T'sais. C'est ça qui compte. C'est l'essentiel. Retour de l'improvisation littéraire avec Jean-François Veilleux. Ben oui. Qui est revenu à ses bonnes vieilles habitudes de propagande politique, comme on le fait tout le temps, mais c'est comme ça. Mais c'est bien. En fait, c'est vraiment aussi en concordance avec un des la commanditaires. La Société Saint-Jean-Baptiste. Un des commanditaires de la Ligue, qui est la Société Saint-Jean-Baptiste. On les Donc, remercie. Inévitablement, et puis c'est normal, le texte présenté a souvent une tendance souverainiste. Souvent de gauche. Exact. Voilà. Et puis, ben, c'est dans la ligne de la Société Saint-Jean-Baptiste. Absolument. Et on remercie aussi la librairie Poirier qui nous donne la permission de vous faire tirer dans le public un livre. Donc, si vous êtes dans le public de la lutte, sachez-le, premièrement, c'est gratuit. Oui. Allez, le soir à 20h. Vous avez la chance de gagner un de deux pichets de bière. Ben oui, c'est le fun, ça. Un livre de la librairie Poirier. Oui. Et vous avez votre mot à dire sur qui c'est qui va gagner ça, ce match-là. Définitivement. Oulala. C'est vraiment là, super le fun. Puis je pense que le public commence à catcher cette année. Ouais, ouais, cette année, c'est fou raide. Pour vrai, à chaque année, on dit, Colin, ça va donc bien les foules à la Chasse-Galerie pour les matchs. Ben, c'est le fun qu'on à chaque année, on se dit ça. Et puis, je pense qu'on a un public qui est réceptif et puis qui est prêt à voir aussi toutes sortes de choses, qui n'est pas là juste pour entendre des jokes de pète ou de... C'est ça, il y a ça aussi. Oui. Ah, puis c'est le fun. Ben oui, c'est ça. Mais non, le public est de plus en plus ouvert au chemin des propositions diverses. Absolument, original. Il aime ça aussi voir des nouveaux styles d'improvisation. Et c'est ce que nous proposent les trois arbitres cette année. Ouais. Donc l'arbitre de ce match-là, qui était Alex Marchand, ouais. Qui s'est gâté sur les pénalités quand même. Oui, oui, ben, il était mérité, les pénalités. Ça fait changer le score. En fait, c'est ça qui a donné une égalité à la fin, c'était les pénalités. C'est ce qu'on m'a dit. Moi, je m'occupe pas du score parce que j'y comprends rien, là. Mais apparemment que ça a changé quelque chose. Tu crois que les verts auraient gazé ou les rouges ont gazé grâce à des pénalités? Il y a une équipe qui a gagné à cause des pénalités, c'est ce que j'ai entendu. Ça se peut-tu, ça? Même, je pense, même les crochets sont incompréhensibles sur la feuille de Stéphane. On a la feuille de statistiques du match, et puis je crois que ça n'a pas tant fait changer la donne. Non. Bon, bref, hein. C'est comme ça. Ah, les gars. Ah, les gars, pas très important. Le but, c'est que ça a été 9 à 8 pour les rouges. C'est exact. C'est exact. Semaine prochaine, prochain match entre les deux. Il n'y en a pas la semaine prochaine. Ah, c'est vrai, lundi, c'est l'action de grâce. Oui, donc tout le monde va avoir le bedon rempli de dinde puis d'ataka. Ça va au 16 octobre. Oui, exact. 20h. Qui joue, c'est écrit en bas de ma première feuille. Il me semble que c'est les verts et... C'est les oranges et les bleus. Les oranges et les bleus, tu vois. Ben oui. J'avais une chance sur 4 d'avoir une équipe de bonne. Ouais. Ben, c'est les deux équipes qui n'ont pas encore joué de match régulier de l'année. Voilà, ça te donc, les bleus de Alexandrine Pichessire et puis les oranges... Non, les oranges d'Alexandrine Pichessire et les bleus de Magali Brousseau-Arcan. Absolument. Donc, préparez-vous, ça devrait être un très fort match aussi. Là. Quelle chronique bien préparée qu'on a fait là sur la lutte. Comment? Il y a quelques joueurs à surveiller. OK. Il y a une dénommée Joliane. Ça m'intrigue, ça, Joliane. De Joliane? Ouais, okay. Des bleus. Une forte joueuse. Une ancienne d'improvisation de la Lime, je crois que tu me disais. Exact. Elle a un bon bagage d'impro et de théâtre. Et puis, je crois qu'elle va fesser fort dans le dash. Mm-hmm. Et puis, du côté des oranges, il y a un dénommé Julien Fleury. C'est, si je ne m'abuse, c'est ça, je pense. Que c'est possible. Tu vois, je suis vraiment pas bon avec les noms, mais... Non. Il y a un Julien ouais. qui est, ma foi, très, très drôle comme Julien personne. Julien et Joliane, tu vois, ça fit ensemble, là, il faut G&G. Vraiment... Le G-Unit. Jujo. Voilà. Cool! Improvisation, donc, lundi, dans deux semaines, le 5 octobre à 20h, c'est gratuit à Chasse-Garde. Oui. Gabby Wood, tu restes un peu avec nous? Ben oui. C'est quoi le sujet aujourd'hui de par rapport? Ouais. On finit tout le temps par tomber sur un sujet, mais on sait pas à quoi s'attendre. Ben moi, je voulais vous parler, je pense que j'en ai déjà parlé il y a deux semaines, mais d'une série que j'ai dévorée. Oui! Après, oui. On pourrait faire peut-être justement les comparatifs des séries qu'on a dévorées ouais, ensemble. Ouais, je présume que j'empiète peut-être sur une autre chronique de quelqu'un. Oui, c'était Félix Paradis le jeudi matin, mais ça nous empêchera pas de parler de TV ailleurs. Non, en effet. Hein? C'est pas notre mère. Non, mais c'est un documentaire. Un documentaire. Ouais. T'as un peu, là. En anglais, on dit un mockumentary, comme dans On se moque des documentaires, mais en français, ça suppose que ça ment dans le documentaire. Exact. Comme c'est pas un vrai documentaire. Mais ça peut être un vrai documentaire, mais parodié. Ça peut avoir une base de réalité, ben, non? Si c'est parodié, c'est que c'est pas vrai. Exact. Ah, mais il peut avoir une base de réalité dedans. Ouais, mais il va être menteur pareil. Ah, peut-être. Ben, moi, j'avais proposé peut-être aussi l'autre traduction lorsqu'on parlait. Là, un faux-cumentaire. Un faux-cumentaire. Ah, excuse-moi, un faux-cumentaire. Parce que ça sonne un peu comme ouais. louche. Ouais. Ah non, ça, c'est l'émission AZ. Là, où fuck-umentary. C'est ça. C'est... Oui, non, mais 81. Exactement. Ouais. Non, c'est la série documentaire disponible sur Netflix, qui est une production de Netflix, qui s'appelle American Vandal. Ah, ça oui? N'est pas disponible en français, je crois. Non, dommage. Mais c'est, ma foi, hilarant. Ça parle de quoi? C'est le cas d'un jeune homme qui est expulsé de son école secondaire pour avoir supposément dessiné une quantité incroyable de pénistres. De pénistres? Sur les véhicules des enseignants. Moi, je dis péniche, mais toi, tu dis pénistre. Ouais, ça dépend de la région. Des graffitis sérieux? De forme phallique sur les, ouais. les véhicules des enseignants. C'est et terrible. Puis, ouais, et puis lui, ben, c'est vraiment une peste. Comme étudiant. Mais c'est pas vrai, là, Tania. Mais... C'est pas si offusqué. Non, non, non, c'est un faux documentaire. C'est okay, faux, okay, là, c'est d'abord. Pas vrai, cette histoire. D'accord. Probablement des élèves qui ont fait pire. Oui, c'est mais, probablement. C'est mais en fait, là-dedans, lui, il se retrouve expulsé complètement de l'école secondaire pour avoir commis ce crime qu'il avoue ne pas avoir commis. T'sais, il s'avoue innocent. Ouais, ouais, ouais. Et puis. Ils disent tout ça. Et c'est puis, ça. C'est ça. Deux autres étudiants décident de faire une série d'enquêtes à la. Making a Murderer. Ah oui. oui, mais c'est tellement drôle parce que ça m'intéresse au bout. Parce que c'est, l'enjeu est beaucoup moins intense oui, que dans oui. Making a Murderer. Que de passer sa vie au complet en prison. En prison. Mm-hmm. Non, lui, c'est qu'il manque ses derniers mois de l'année au secondaire. Tu donnerais quoi comme punition, toi, à un de tes élèves qui dessinerait ça sur ton auto? Oh en tant qu'enseignant, remplaçant, super. Ça tomberait pas dans mes cordes à moi. Ce serait beaucoup plus à direction que ça. Oui, va chez le directeur. Va voir M. Giroux. Exact. C'est ça, monsieur Giroux. Ben oui, Rodolphe. Ben oui. Rodolphe. Merveilleux. Il est mort. Superbe. Il est-tu mort pour vrai? Il est décédé. Ouais, il est mort, l'acteur. Il est décédé? Je suis vous ramener au. Qui était connu pour ses nombreux rôles. Dans Radio Enfer. Oui, voilà. Voilà. Toi, Mathieu, la série que t'as dévorée dernièrement. Radio Enfer. Oui, pour vrai, j'ai réécouté. C'est drôle en mort. Sur la chaîne UniTV, la chaîne franco-canadienne, ouais. Franco-fantastique. Il passait de ça. Il ramène à Radio Enfer, il a ramené dans une galaxie près de chez vous, et Fais-moi peur. Donc, c'est le nouveau canal famille rétro là, qu'on demande depuis des That's années. It. OK. Qu'on dit qu'il devrait avoir un vrac TV rétro. Mais c'est là. Cool, ça. Mais ils font ça, puis pour vrai, je les enregistre, je les écoute, c'est vraiment le fun. Parce que je me suis tapé la série il y a quelques années avec justement Stéphanie Paradis, les 6 saisons, je crois qu'il y en a 6. C'était vraiment bon à ce moment-là, sauf la dernière, qui est atroce. Je pense que okay, UniTV okay. va, je pense, fermer la chaîne après avoir diffusé la saison 6 parce qu'on va avoir honte d'avoir diffusé ça. Mm. Mais bon, vraiment très, très bon. Oui, oui. Ouais. Ben, moi, j'avais une coloc qui avait le coffret DVD. Là. Oui. Et puis, justement, on s'est rendu compte à quel point ça, c'était une émission jeunesse qui demeure drôle. Oui. Peu importe les années. Bien écrit, tu sais, du Jean-François Mercier qui a écrit ça. Tu sais, plein de gens connus de l'humour en ce moment qui ont écrit sur cette série-là. Louis Saillat, évidemment. C'était très drôle. Très, très bon. Dans une galaxie, je dois avouer que je n'ai pas encore écouté, sauf quelques épisodes. Ah, je ne les ai pas réécoutés, moi non plus. Je sais pas. Je ne suis pas sûr que c'est mon genre d'humour. Il y a quelques bonnes blagues. Ouais. C'était drôle dans le temps, mais là, je suis plus sûr que je trouverais ça drôle. Peut-être juste pour les expressions de Guy Jodoin qui prend des expressions oui. connues puis qui revient à l'envers. Ouais, ça, ça, oui. La nuit porte de garage. La nuit porte de garage. Mais le reste, je sais pas. C'est ouais, du slapstick, c'est du... je sais pas. Toi, Tania? Moi, c'est... Je pense que je pourrais qualifier ça de série adolescente. Ouais. Mais ça a comme été un peu ma quétainerie du moment, mais j'ai dévoré. C'est un original Netflix. C'est Greenhouse Academy. Ah oui? Ah. Ouais. J'ai même pas entendu parler d'eux. C'est tout nouveau, là. Le premier épisode a été lancé en 2017. Il va y avoir une deuxième saison. Mais c'est science-fiction. Ah oui? Ouais, on parle surtout de tout ce qui est technologie. Oh. Donc, je trouve ça vraiment cool. C'est une académie qui est pour les surdoués, mettons. Okay. Puis les gens qui pourraient devenir, par exemple, président des États-Unis, astronaute. Mm-hmm. Puis les deux personnages principaux, ben leur mère a été à cette académie-là. Puis elle est devenue astronaute par le temps, mais elle est décédée en mission. Et là, ils vont là pour savoir qu'est-ce qui s'est passé. J'ai une prédiction pour toi, Tania. Qu'est-ce que se passe-t-il? Tous les jeunes acteurs de cette télésérie... ne sont pas connus. De un... Je te le prédis, moi. Deviendront connus? Probablement, puis, peut-être. Finalement, vont faire comme une... Miley Cyrus, l'autre, là... Vont virer sur le top. Demi Lovato. Oui, mais l'autre, là, la celle là, qui était comme rousse, là, puis qui est rendue blonde... Lindsay Lohan? Oui, elle a échappé elle sur un moyen sur temps. Oh, ouais. Mais tu penses que peut-être. Mais les acteurs sont quand même assez vieux, là. Ils ont tous dans la vingtaine déjà. Ouais, oh, jamais trop tard pour. Ouais, c'est ça, peut-être, t'as bien commencé, raison. Non, c'est sur Netflix. On dirait que, tu sais, c'est la saison d'automne en ce moment. Tous les réseaux américains débutent leur saison automnale. La première semaine, c'était la semaine passée. Deuxième semaine, cette semaine. Et les gens parlent beaucoup plus des séries Netflix que des séries des grands réseaux. Vrai, hein. Sinon, j'ai dévoré District 31, mais... Évidemment. J'ai pas écouté, moi, ça. Je sais même pas c'est quoi. Mais justement, si tu veux te rattraper, je pense qu'il y a quoi? 292 épisodes depuis l'année passée. Exactement, t'en as assez. Sur Coupe.tv, genre? Ouais, mais tu peux pas rattraper ça, je pense. Oui, fait que tu le regardes en temps réel. Tu peux? Ben oui, tu peux. Moi, j'ai écouté la saison 1 après tout le monde. J'ai rattrapé, puis là, je suis à date. Ah, oh, ouais! Mais t'as beaucoup de temps libre. Ouais. J'avais beaucoup de temps. C'est ça, cet été, c'était, ouais. Parce que sinon, pour c'est vrai, pas cet été, en plus, je l'ai écouté, mais c'est l'année passée. Si j'avais tu commences plus de ça temps là, je pense que tu vas avoir le temps de voir la troisième saison à Radio-Canada si tu commences maintenant la saison 1. OK. Ouais, je pense que ouais. À chaque jour, lundi au jeudi. Ah ouais, c'est à tous les jours. Oui, c'est une demi-heure à tous les jours. C'est Fabien Larouche qui écrit ça, je te gâche. Fabie. Ouais. Ouais, c'est Fabie. Jacques Fabie. Ouais. De l'émission de nuit à Radio Canada. Oui, oui. Non, à Cogeco. Cogeco, excuse-moi. C'est pas Luc Picard qui joue à Radio Canada, sûrement. Non, qui écrit ça? Non, tout mêlé. Ouais. Apparemment, là, j'ai entendu en fin de semaine, est-ce que vous avez été des fervents amateurs de la série Les Invincibles? Non. Non. Ah, oh, ça défait ah, tout bon, ce que ben tu laisse voulais. Je m'en vais. Je m'en vais. Je suis désolé. On va commencer le studio puis je sac mon camp. C'est quoi? Brise la vitre. Essaie donc voir. Non, mais... Bon, pas de briser la vitre. Pas de briser la vitre, là, de nous ben dire non, mais en fait, le je cherche le nom du jeune acteur, là. mais un jeune comédien parle de refaire une série télé qui risque d'être qui va être présentée à Radio-Canada, qui s'adresse à un public entre 17 et 27 ans, mettons. OK. Et puis il avait raison, je pense, dans ce qu'il disait, parce que je trouve que à part Netflix, il y a peu de diffuseurs télé justement qui proposent à cette tranche d'âge. C'est ça, parce qu'en tant que tel, ils veulent mettre des séries qui vont faire que les gens vont dépenser sur les produits dans les publicités qui sont annoncées. Donc les enfants, les adolescents... Durant les pubs, ils mettent des assurances automobiles, du Canestan puis du Viagra. C'est ça pour vrai, c'est fou. Là. Je pense pas qu'ils annoncent des médicaments au Québec, mais mettons. Oui, oui, il y a des pubs de Canestan. Non, non, non, pour vrai. Je te jure. Durant le hockey, durant le hockey, il y a beaucoup, beaucoup de pubs de Viagra. Ouais, ouais. On a le droit de faire ça? Définitivement. Ça va. Mais durant le hockey, c'est simple, c'est le une pub sur cinq. Une pub, ouais. Une pub sur cinq, c'est sur le Viagra? Non, une pub sur cinq, c'est des assurances. OK. Deux pubs sur cinq, c'est des pick-up. OK. Ça, sans faire. McDonald's, un autre pub. Il y a les pubs de resto-bar. Oui. De bière. Ouais. Ben oui. Il y a aussi Barbies, resto-bar. C'est en plein ça. Mais moi, je l'écoute plus à la radio, fait que j'ai comme Bravo Pizzeria. Ouais. Bien souvent, là. J'ai chez Marcille. Chez Marcille, OK. Oui, qui est un vendeur de matériaux. OK. C'est pas de la mise en scène. Mais il y a, oui, en effet, beaucoup de publicité sur les produits de dysfonction érectile pour hommes. Je suis surpris. Mais c'est parce qu'ils savent que les hommes regardent le hockey. Oui, ils ont besoin de lever le bâton. C'est en ça. C'est ça. Ah, parce que tu peux pas gagner deux minutes. On se fait pas que mon score est débile. Mets du tape sur son bout. Ouais. Le paddle. C'est ça. C'est la paddle. Je n'ai pas les termes. Si ouais, Mathieu, on voit que tu connais vraiment bien ton hockey. Vraiment, ça travaille fort dans le coin de mon cerveau en ce moment. Ouais, c'est ça. Je me suis acheté un nouveau paddle de hockey. Ah oui! Oui! Ah, oui. Il mon jockstrap, là. Ouais, c'est ça aussi. Il est efficace. Ouais, c'est efficace. Mon mouthpiece de... Ça commence d'ailleurs ce soir, là, la saison de lumière. J'ai très très aïe, aïe. C'est qui contre qui, les rouges contre les bleus? Ouais, ouais, exact. Non, je sais pas qui joue à soir. Là. Canadien joue demain. Canadien joue demain? Oh. Demain étant jeudi. C'est demain que ça se passe. Hey, merci Gab. Hey, ça m'a fait plaisir. Tu vois, on s'est rempli le paddle de bons sujets. Ben oui. Oui. Il y a pas rapport. Ben moi, le matin, là, c'est pas rare que quand j'incite, là... Je m'amuse avec le paddle. C'est ça, c'est pas rare l'enfant parti. Non, non, non, non, non, monsieur. On va pas se plaindre avec le savon dans la bouche. Non, elle se plaignait avec ça. Ah oui, ben c'est oui, vrai, oui. Il avait la langue de savon. Juste après y avoir brûlé les mains sur les mains sur le rond de poêle. Ouais. C'est pour ça qu'on appelle ça des s'mores, parce qu'il est presque mort de ça. Ouais. C'est ça. S'mores. Ah. Gabriel Beaud. Oui. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. On, salut Tania. Oui, bye. Aussi, salut Tania comme parapluie. À la semaine prochaine. C'est ça. On s'en va entendre une pièce de musique, peu importe laquelle. Ouais, on va choisir ça, là. C'est peu importe. Moi, je pense qu'on devrait aller se baigner un petit peu. Ouais, en anglais. Ouais, ouais. Dead from Above 1979. Je les aime beaucoup. Je veux que ça monte dans le palmarès. Ouais. Donc, voici, on va lancer Gabriel Beaud face première dans la piscine, dans le côté creux. Seul! Blouche. Avec Never Swim Alone. Ah, c'est si gentil. On le traite comme Aurore, là. Small Aurore. J'arrête. Useless masters in degrees. Scroll down, so go for a ride. Common sense. Stan, j'arrête la chanson là. OK. Là, j'ai fait stop. Ben, j'ai fait, ouais, j'ai entendu. Fait... Ah, je voulais faire pause, j'ai fait stop. Mais bref, on va y retourner dans le milieu. Et juste, c'est Gabriel Béhoul qui nous a fait remarquer ça. Et j'ai l'impression qu'il a tout à fait raison. Oui. Regardez ça un peu. It's okay. It's my body. Da, da, da, da, da. C'est la musique de l'underground de Mario Bros, c'est ça? C'est pareil. Bref, c'est, ça valait-il la peine d'arrêter la chanson? Sûrement pas, mais ça nous donne l'occasion de réentendre la fin. Fait que c'est correct de même. En effet. On remercie Gabriel Léaud et on remercie Smorar, l'enfant martyr qui fait d'excellents s'mores. Avec sa face, elle échoue tout croche sa boîte. Ouais. Et on revient dans quelques instants avec son foutu palmarès. Ah, son adresse. If you like this song, please leave a message after the tone. Assemblage Ricky, accompagné de Tania Baudin. Et hey, de Mathieu Plante. Ok, oui. Gabriel Béo est parti. Ah, ben heureusement. Tout le monde finit par s'en aller. Dans notre studio humide. Oh, oui. Quelle c'est tristesse. Triste. Les gens sont trop occupés pour rester avec nous des fois. Oui, ça parfois, arrive. C'est vrai, ça arrive. Mais plus la session va avancer, plus les gens vont pas aller à leur cours pour rester avec nous tellement. On est tous ensemble. On espère. Dans quelques instants, on va faire son foutu palmarès. Avant ça, par contre, on devrait aller parler avec Mathieu Plante pour savoir ce qui s'en vient aujourd'hui au palmarès. C'est fou. Ok. Merci Mathieu, aujourd'hui l'émission ce sera la portion top 10. On entendra donc les positions 10 à 6 avec entre autres Mondo Day, Cheap Trick et Ben Sinister. Les palmarès c'est fou, c'est aujourd'hui et du lundi au jeudi de midi à 13h, édition week-end et samedi dès midi. Et c'est ce qui s'en vient au palmarès c'est fou tout à l'heure. Mm-hmm. Maintenant on écoute Octoplate avec Héros ou Ennemi à Assemblage Requis sur C'est fou 89 FM. le temps presse, que l'envie tombe. C'est pas normal de fuir son nom. Et si le temps me blesse, que l'air est lent, oh, oh, on est là, plongé au fond. Héros ou ennemis, personne veut le savoir. Héros ou ennemis, qui est à compter les corps. Héros ou ennemis, personne veut le savoir. Héros ou ennemis, personne veut le savoir. Héros ou ennemis, qui est à compter les corps. Héros ou ennemis, personne veut le savoir. Héros ou ennemis de Octoplot. Oh boy. Assemblage requis. Maintenant. Hey, dit avec émotion. Oui, je sais. héros ou ennemis, on n'a pas à se poser la question parce qu'on va parler de héros de jeux vidéo. Ouh. Dans son foutu palmarès. Pour le mieux, jusqu'à ce que je tombe sur sa palmarès, c'est la chronique où on établit une liste sur un sujet plus ou moins précis. Et cette fois-ci, on parle de jeux vidéo. On va parler de Mario tout à l'heure, mais commençons avec Pac-Man. Oh, d'accord. Pac-Man, héros des années 80, là, alors que les jeux d'arcade parlaient souvent d'extraterrestres. Pac-Man, ben, ça avait l'air plus d'un dessin animé, un joli petit petite créature jaune qui courait après des fantômes, bien sûr, accro aux petits points blancs. Bref, on le sait, Pac-Man était un énorme succès. C'est encore populaire dans la culture aujourd'hui. Il y a même une série télé en ce moment avec Pac-Man. Ça va très très bien de ce côté-là. Les designers, en fait, le succès de Pac-Man était vraiment pas certain. Ces designers, au départ, avaient aucun intérêt envers les jeux vidéo. Et la réaction du public était plutôt partagée. Donc, quelques faits sur Pac-Man. Pour commencer, le designer de Pac-Man, Toru Iwatani, n'avait pas de training en tant que designer ni en tant que programmeur. Il avait 22 ans à l'époque, il a commencé à travailler pour Namco en 1977. Il n'avait pas vraiment d'intérêt envers les jeux vidéo. Et en fait, Iwatani, à l'origine, s'attendait à travailler sur des machines de pinball. Mais finalement, a travaillé sur Breakout, pas sur Breakout, mais sur un jeu à paddle, comme on dit au hockey. Hein. Inspiré par Breakout, qui s'appelait GB. Breakout, c'est le truc avec la petite bande en bas, puis une balle qui bondit un petit peu partout. Donc ça, c'était GB en 1978. Il travaillait aussi sur Bambi et sur QDQ en 1979. Il fallait absolument, je pense, que ces noms de jeux aient soit une rime ou quelque chose de cute. Ah! GB, Bambi et QDQ. OK. Des itérations, comme ça. Bref, deux ans après la sortie de Pac-Man en 1980, il avait aussi travaillé sur Pole Position. Pac-Man a été créé en réponse à des jeux de tir comme Space Invaders. Les arcades japonaises de la fin des années 70, début des années 80 étaient très très masculines. C'était des endroits très sombres avec des jeux de tir inspirés par le succès de Space Invaders. Ouais. Dont entre autres Namco qui a sorti Galaxian qui ressemblait énormément à Space Invaders. En réponse à ça, Iwatani a commencé à réfléchir à un concept qui irait à l'encontre de ces jeux-là. Donc il disait qu'il n'y avait pas de jeu que tout le monde pouvait aimer. Particulièrement, il n'y avait pas de jeu pour les femmes. Donc il voulait trouver un jeu comique, entre guillemets. Je ne sais pas ce qu'il y a de comique dans Pac-Man. Ouais. Il mange des fruits puis il mange des fantômes. Bah, c'est peut-être ça. Ça, c'est bien, bien drôle. Donc Iwatani... Iwatani a commencé donc à penser à des idées autour du mot taberu, qui veut dire « to eat », donc « manger ». Et graduellement, le concept est devenu Pac-Man, qui vient de Paku Paku, qui est le mot en japonais qui veut dire chump, comme dans mâcher quelque chose. Okay. Et c'est comme ça qu'on s'est rendu jusqu'à Pac-Man. Wow. L'inspiration de la pizza pour Pac-Man est seulement à moitié vraie. Une des grandes légendes du design des jeux vidéo est que Iwatani, pendant qu'il mangeait une pizza, a regardé sa pizza avec une pointe manquante et a utilisé ça comme inspiration pour la forme de Pac-Man. L'histoire a même été encouragée par Iwatani lui-même. Lorsque la fièvre de Pac-Man était à son maximum, il a posé avec une pizza à moitié mangée pour une photo de publicité. En 1986, en entrevue, il a admis que la légende n'était qu'à moitié vraie. On dit qu'en japonais, le caractère pour bouche, le mot bouche, donc kuchi, est une forme carrée. Iwatani a expliqué que c'est pas circulaire comme la pizza, mais qu'il a décidé de l'arrondir, le carré. Donc, tu sais, Paku, tantôt, on parlait du mot. Bref, c'est comme ça que c'est né. Donc, ça n'a pas vraiment rapport avec la pizza. Je sais même pas pourquoi on dirait que ça a juste vraiment pas rapport, fait que c'est ça. Il dit à moitié vrai, mais bon. Ça a l'air d'être plus au tiers ou au quart vrai. Ouais, c'est un petit peu de vrai derrière ça, mais c'est caché pas mal. Le jeu, donc, le gameplay de Pac-Man et les fantômes, eux, ont été inspirés par des personnages de bande dessinée. Donc, Iwatani a continué à développer l'idée d'un jeu où on mangeait. Il a ajouté le concept d'un labyrinthe. Ensuite, des petites palettes à attraper. On l'appelle des fois le Power Cookie, l'article spécial qui permet à Pac-Man de manger les fantômes. Iwatani a plus tard révélé que l'idée de ce power-up-là est inspirée par Popeye qui réussissait souvent à battre son ennemi plutôt en mangeant des épinards. Donc c'est un peu la même chose que les petites palettes dans Pac-Man. Les fantômes de Pac-Man, eux, ont été inspirés par des personnages de bande dessinée. Donc Pac-Man inspiré par tous les mangas et l'animation que Monsieur Iwatani regardait quand il était jeune. C'est ce qu'il a dit à Wired en 2010. Les fantômes ont été inspirés par Casper ou Obaki no Kutaro. Je connais pas, mais c'est comme ça. Moi non plus. Ensuite, c'était un des premiers jeux vidéo à amener les cutscenes. Tu sais, les cutscenes, c'est les cinématiques qui arrivent entre différents tableaux dans un jeu vidéo. Bon, t'as pas le contrôle dessus. Bon. Ouais, c'est ça. Bref, l'action de Pac-Man, des fois, est interrompue par des interludes qui ressemblent un petit peu à des dessins animés où un énorme Pac-Man chasse un fantôme terrifié à l'écran. Iwatani a nommé ça des pauses café. Ah, c'est bien ça! Et à imaginer que c'était une bonne façon pour les joueurs de pouvoir manger ou grignoter un petit quelque chose, comme Pac-Man fait, en attendant la prochaine scène. Les programmeurs de Iwatani, au départ, n'aimaient pas l'idée. Ils disaient que l'interlude ajoutait très peu au jeu, mais Iwatani a gagné la bataille. Exactement. Ensuite, le jeu ne serait rien sans l'intelligence artificielle des ennemis. On parle beaucoup d'intelligence artificielle de nos jours, mais ouais. Colin, à l'époque de Pac-Man, ça avait un certain sens aussi. Donc, Iwatani était la force créative derrière Pac-Man. Il a amené le jeu à la vie avec une équipe de 4 personnes, dont le programmeur Shio Funaki et le designer sonore Toshio Kai. Le développement du jeu a pris environ 18 mois. C'est quand même assez long pour un jeu vidéo de cette époque-là. Le positionnement et le comportement des fantômes étaient le plus grand défi. Iwatani a admis qu'il n'y a pas vraiment de divertissement dans le jeu de seulement manger quelque chose. Il fallait créer des ennemis qui allaient ajouter un petit peu de tension, un petit peu d'excitation. Mm-hmm. Donc, c'est un des aspects les plus connus de Pac-Man, qui est que chaque fantôme se comporte différemment. Chacun a un nom et un personnage différent. Il y en a un qui fait seulement chasser le joueur. Deux essaient d'attaquer Pac-Man de l'avant. Et le quatrième va le chasser et va abruptement changer de trajectoire, exactement. Donc, c'est le mouvement des monstres qui est assez complexe. Et c'est donc l'intelligence artificielle du jeu qui impressionne encore certains aujourd'hui. Le jeu, au départ, on pensait pas que ça allait être un succès. Ah, Pac-Man. OK. Non. La première machine de Pac-Man qui s'appelait Puckman, on se rappelle tous du fait divers que Puck était transformé en fuck par bien des gens. Donc, c'est pour ça qu'on a changé de nom. Ça, c'est un vieux... un vieux fait que pas mal de gens connaissent. Ouais. Donc, à l'époque, Puckman était installé dans un cinéma de Tokyo le 22 mai 1980. Iwatani et son équipe espéraient que le jeu serait populaire avec les fans, les femmes, oui, et les très jeunes enfants. Mais les gamers, qui eux, étaient plus habitués à des jeux intenses de tir... À l'époque, il n'aimait pas tellement ce jeu-là, Pac-Man. L'incertitude a continué lorsque Pac-Man a été montré à un trade show, donc une foire où on essaie de montrer des machines pour les faire acheter par des compagnies. Plusieurs opérateurs d'arcade américaines, ouais, des opérateurs américains d'arcade américaines, qui étaient présents, pensaient qu'un autre jeu de Namco présent à la foire, un jeu de conduite nommé Rally X, allait être plus populaire étant donné son rythme accéléré. Mais à l'ultime, Pac-Man a été choisi par les distributeurs américains, donc Bally Midway. Son nom a changé, comme on l'a dit, de Puckman à Pac-Man et le voyage du jeu vers la popularité mondiale a commencé. C'était un des jeux d'arcade les plus qui ont le plus de succès de tous les temps, mais ses créateurs ne sont pas devenus riches, malheureusement. Ils ont vendu 350 000 machines d'arcade en 18 mois. Ça a généré des millions de dollars en profit, encore plus de revenus venant évidemment de la marchandise attachée à Pac-Man. C'était un phénomène international, mais Iwatani, comme plusieurs designers et programmeurs qui travaillaient au Japon à cette époque-là, dont entre autres le créateur de Space Invaders, Tomohiro Nishikado, n'ont pas vraiment profité directement de ce succès-là. La vérité de la chose, c'est qu'il n'y avait pas de récompense pour le succès de Pac-Man, a dit Nishikado en 1987. Il dit qu'il n'était qu'un employé. Il n'y a pas eu de changement dans son salaire. Lui, son salaire était pour créer des jeux vidéo. Ah ouais, c'est ça. Donc, pas de bonus pour le succès, pas de reconnaissance, pas de plaque. Ah, c'est triste. Rien du tout. Le plus haut score possible dans Pac-Man est de 3 333 360 points. Ouf. Même si Pac-Man n'a pas vraiment de fin, il y a ce qu'on appelle un Integer Overflow qui fait que le 256e niveau est impossible à passer, ce qui veut dire que si chaque point, si chaque palette, si chaque fruit, si chaque ennemi est consommé sur chacun des 255 niveaux, le score maximal possible est de, ce que j'ai dit tantôt, 3 333 360. Le très populaire et légendaire et très habile de ses mains champion Billy Mitchell, le sujet du film King of Kong, Colin, a été le premier joueur à réussir un score parfait dans Pac-Man. Et d'ailleurs, il y a un jeu sur le App Store qui s'appelle, si je me rappelle bien, c'est directement 256... oui, ça s'appelle Pac-Man 256, qui est basé justement sur les bugs du jeu rendu au 256e niveau. Il commence à se passer plein de trucs bizarres graphiquement. Et c'est donc un Pac-Man sans limite où on change l'aspect du labyrinthe et qu'on échappe au glitch qui part du bas de l'écran. Donc il y a des caractères, des chiffres et des lettres qui montent du bas de l'écran. Il faut s'enfuir de ça dans Pac-Man 256 sur le App Store. C'est basé sur ce bug-là. Wow. Et finalement, c'est toujours très, très accrocheur. Ça crée dépendance. Hein? Hey, tellement. Vraiment, c'est un des jeux les plus accrocheurs, je pense, au monde. Pour célébrer le 30e anniversaire de Pac-Man en 2010, on se rappelle que Google avait placé une version jouable du jeu sur sa page d'accueil. T'as sûrement déjà joué à ça à l'époque. Donc, selon une compagnie de gestion du temps, la brève apparition du jeu sur la page d'accueil a réussi à voler 4,8 millions d'heures de travail en 2010. My God. Wow. Le tout premier doodle jouable de Google, qui était l'édition anniversaire... de Pac-Man, oui, peut toujours être joué aujourd'hui. Si vous allez sur google.com/doodles/30th anniversary/of/pac/man, mais tapez donc Pac-Man Google sur Google à la place. Ça va être plus simple, je pense. Voilà pour la liste de faits sur Pac-Man. Continuons dans la même lignée avec des faits sur Mario. Nintendo, Mario Bros. Mario de Mario Bros. On l'appelle aussi des fois Mario parce que son prénom et son nom de famille, c'est les deux Mario. Ben voilà. Donc bref, on ne parle plus vraiment de sa carrière en tant que plombier. Et en fait, Nintendo, il y a quelques temps, a annoncé que Mario n'était plus plombier. Ah! Il n'est plus plombier. Dans sa biographie en japonais, la compagnie dit qu'il a l'air d'avoir travaillé comme plombier il y a très longtemps, mais que ce n'est plus le cas. Mario a eu plusieurs emplois comme ça, on the side, donc voici un petit CV, je dirais, de Mario. Un CV pour votre considération, si vous voulez l'engager. Il vit à New York City, ou des fois dans le Mushroom Kingdom. Il a été évidemment athlète olympique. Ah ben oui, clairement. Ben oui, en novembre 2007, dans Mario & Sonic at the Olympic Games, il a participé au ski libre aquatique 100 mètres, au lancer du javelot, tir à l'arc, des trucs comme ça, escrime, entre autres. Il a été propriétaire d'un parc thématique en septembre 2006. Oh, d'accord. Pour le jeu Mario vs. Donkey Kong 2. Donc, il a construit un parc thématique de zéro. Malheureusement, le jour d'ouverture, Donkey Kong s'est présenté. Il a essayé d'impressionner Pauline avec un jouet de Donkey Kong. Il a pris la version jouet de Mario à la place. Donkey Kong l'a pris et a grimpé au sommet d'une montagne. Et bref, l'entièreté de son rôle de propriétaire de parc thématique a été passé à essayer de sauver la princesse de Donkey Kong dans Mario vs. Donkey Kong. Quelle tristesse. Il a été danseur de rue. Ah ouais? En octobre 2005 pour le jeu Dance Dance Revolution Mario Mix. Ah, d'accord. Il a dansé donc de façon compétitive par nécessité quand Waluigi a volé 4 clés musicales des tours des Truffle Towers dans le Mushroom Kingdom. Et donc, ils ont commencé à danser. Et c'est un jeu de Dance Dance Revolution avec Mario et des chansons de Mario. C'est cool comme jeu. Difficile à trouver, par contre. Ça c'était en octobre 2005. Il a été joueur de baseball en juillet 2005. Pour le jeu Mario Superstar Baseball et pour Mario Super Sluggers, donc lanceur de sa main droite, droitier, pour les Mario Sunshines. Il lançait des boules de feu, bien sûr, et c'était légal dans le jeu. Il a été un joueur de basketball de rue en février 2005 oh. pour le jeu NBA Street V3. Donc, il a dominé le Street Hoops de Venice Beach à Rucker Park. Il a gêné des vedettes de la NBA en faisant des crossovers, des dunks et des boules de feu encore une fois. Il utilise beaucoup sa boule de feu, Mario, quand même. Il a été fabricant de jouets dans Mario vs. Donkey Kong en mai 2004. Donc, il a fabriqué de petits jouets de Mario. Son usine a été volée par Donkey Kong et la majorité de son temps a été passé à retrouver les jouets volés, malheureusement. Il a été plongeur en profondeur dans le jeu Octopus en octobre 2002. Il a chassé, il a essayé de trouver des objets cachés au fond des mers avec sa copine, qui est aussi princesse. La princesse Tootsie. La princesse Peach. Il a été joueur de tennis. On pourrait faire beaucoup de sport avec lui. Il a été joueur de tennis en août 2015 pour Mario's Tennis. Il a compétitionné au niveau professionnel dans des tournois de tennis qui étaient donc dans les trois dimensions via le Virtual Boy. Wow. À l'époque. Toujours dans le CV de Mario, qui n'est plus plombier, il a occupé plein d'autres postes, entre autres archéologue en mars 1995 dans le jeu Mario Spycross, un jeu que j'adore. C'est un jeu où tu dois couper ou marteler des pierres pour révéler un puzzle derrière. Ah, OK. Donc le jeu te montre des chiffres, par exemple mon 5 espace 7 veut dire qu'il va y avoir 5 blocs de suite suivis d'un espace puis de 7 autres blocs de suite. Donc tu tapes les cases pour réussir à révéler un dessin derrière. J'adore ça, les Spycross. Bref. C'est ce qu'il a fait, Mario, pour révéler des images, entre autres des images de cochons et d'autres animaux, Mario Spycross. Il a été chef. Ah, ben oui, rien de moins. Rien de moins. En 1993, en avril, dans le jeu Yoshi's Cookie, il a travaillé donc avec Yoshi en tant que chef de pâtisserie, donc chef pâtissier. Il faisait des biscuits qui disparaissaient lorsqu'ils atterrissaient en ligne droite. C'était un genre de puzzle à la Tetris. Ouais. Et avec Yoshi, tu devais faire virer des assiettes en bas pour faire échanger les biscuits de place. C'était ça, Yoshi's Cookie. Ensuite, il a été voyageur dans le temps à 80 millions d'années avant GC, ou sinon en 1993, comme vous voulez, dans Mario's Time Machine. Donc, il a retourné des artefacts volés par Bowser à leur bon endroit dans l'histoire en utilisant une machine qui s'appelait le Timulator, une machine à remonter dans le temps. Il a été, bien sûr, chauffeur automobile. Clairement. En septembre 92, dans Super Mario Kart, en compétitionnant contre des amis, des rivaux dans une série de courses à hauts enjeux, il a appris plusieurs bonnes habiletés, comme appuyer sur l'accélérateur pour faire un supercharge, utiliser des raccourcis pour gagner des courses, et bien sûr, utiliser des pleurs de banane pour causer des accidents. Mm-hmm. Tout à fait. Il a appris d'ailleurs ses habiletés de conducteur 5 ans avant dans Famicom Grand Prix F1 Race, je ne savais pas. Ah, moi non plus. Avant Mario Kart. Eh bien, il a été instructeur de machine à écrire. OK. En 1991, dans Mario Teaches Typing. Donc, il a enseigné comment démolir des blocs avec des lettres avec sa tête. Sa tête magique qui est Mario. Non, donc, il détruisait des blocs avec des lettres dessus. Il a été médecin. Je pense que personne ne va être surpris. En juillet 90, dans Dr. Mario. Ouais. Il a travaillé dans un laboratoire de recherche de virus dans l'hôpital du royaume champignon. Il a aidé à éliminer des virus mortels comme Chill, Fever et Weird. Ah. Il a été pilote d'avion dans Super Mario Land en 1989. Donc, il a fait voler son Sky Pop autour du Tri Kingdom, un royaume fait spécialement pour Super Mario Land. Donc, il a fait du combat aérien contre les ennemis et il a réussi à intercepter Wario. Wario qui a eu son propre jeu ensuite avec Super Mario Land 2. Puis c'était Wario quelque chose. Ah! C'était-tu Six Gold? Non, je me rappelle. Je pourrais pas te dire. C'était peut-être le 3. Bref, peu importe, le jeu de Wario était un dérivé de Mario Land. Ensuite, il a été arbitre à la boxe en octobre 87 dans Mike Tyson's Punch-Out. OK. Un de ses rôles quand même assez célèbre. Il était arbitre sur le côté du ring avec les champions poids lourds du monde, dont Little Mac, bien sûr, dans Mike Tyson's Punch-Out. Ensuite, il a travaillé dans le domaine de la construction dans Wrecking Crew. En octobre 1985, okay. C'est lui qui a détruit un site de construction rempli de blocs de ciment avec son marteau. Excellent jeu Wrecking Crew, si ça vous intéresse, allez voir ça. Ensuite, en novembre 83, il a été soldat dans Mario's Bombs Away. Là, je suis surpris. C'est le premier que j'apprends. Wow, donc il a servi dans la jungle comme soldat américain. Il devait, entre autres, transporter répétitivement des bombes mortelles à des soldats qui attendaient de l'autre côté du champ de bataille. Il a aussi travaillé comme lookout, donc celui qui espionne les ennemis qui essayaient d'allumer les bombes à partir des arbres situés au-dessus. Il a appris à travailler dans un environnement qui contenait des dangers qui n'étaient pas des tortues, contrairement à ses autres jeux de Mario. Donc, Mario's Bombs Away, Colin, il va falloir que je fasse des recherches là-dessus. Il a été évidemment plombier. Là, on y va dans l'ordre inverse. Oui, on oui, recule comme fait, sur c'est un CV. C'est ça. On parle de Mario là, dans les jeux Mario. Mm-hmm. Mario. Hein? Il a été plombier entre juillet 1983 et le présent. Évidemment, dans Mario Brothers, là, on parle du premier titre d'arcade. Il a sauvé New York City des créatures sous la terre avec l'aide de son frère Luigi. Il a aussi sauvé la princesse Peach, le royaume champignon, Yoshi's Island et plusieurs autres endroits. Et finalement, dans le passé très lointain, il a été charpentier. En juillet 1981, dans le jeu Donkey Kong, hein, sous son précédent nom, on l'appelait Jumpman à l'époque, il utilisait donc ses charpentes pour sauver sa copine Pauline du méchant gorille. Et par coïncidence, c'est le même gorille qui a gâché tout le reste de sa carrière dans différents parcs d'amusement et tout et tout. Terrible gorille. Voilà. C'était les anciens jobs, les anciens postes de Mario à travers le temps. Je crois que c'est mon chandail de jeux vidéo qui m'a inspiré aujourd'hui. Ça doit être ça. Et il nous reste 3-4 minutes. Je pense pas vraiment avoir le temps d'en commencer un autre. Ouais, donc on se garde ça pour une autre fois. Pendant qu'on termine. Tout à fait. Pas mal l'émission. En fait, avant de terminer l'émission, on va écouter deux pièces pour se quitter aujourd'hui. Live en studio. Mm-hmm. De la formation Days. Oui, c'est vrai, on avait dit qu'on voulait les faire jouer. Absolument, donc hier j'ai pris le temps de retourner dans l'émission du mois de juin pour aller découper la présence de Days à notre émission. Donc on va conclure l'émission dans quelques instants, c'était avec deux pièces live de Days. On adore ça. C'est cool, donc terminons pour l'instant ici. Merci d'avoir été à l'écoute, merci aussi à David Ferron pour sa chronique du journal Zone Campus. Merci à Alex Marchand. Oui, c'est vrai. Sa chronique musicale et nightlife. Gabriel Béhoud. Oui, qui nous a parlé d'improvisation. Mais aussi de télé. Et de télé. Merci à toi, Tania Baudin. Merci à toi, Mathieu Blanc. Sur nos ondes, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on vous prépare? On a tellement une belle journée. Le mercredi est super rempli. Donc, dans quelques instants, ce sera Compte à rebours, l'émission de compte traditionnel. Ensuite, Tania et moi serons de retour à midi pour les palmarès. C'est fou, c'est l'édition top 10 aujourd'hui. OK, oui. Et l'huile de palme. Oh, l'huile de palme va être là. Bien, tu fais bien de ça. À 13h, VHS avec notre ami Xavier Clich. Mm-hmm. À 15h, je serai de retour pour le Mathieu Plante Show avec la chronique de Frédéric Simon. À 17h, Audiomatique, la musique électronique. 18h, EcouteDon.ca avec de la musique alternative. Voilà, CIF.ca, AssemblageRocky.com. Pas mal ça. C'est pas mal ça, Facebook. Ouais, Twitter, Instagram, Splashface. Splashface. Et on se retrouve demain à 7h. Bye tout le monde, bye bon café. On va écouter Days avec Long Gone version française et Let Me Breathe. À demain. misunderstood. And I felt like I was no any good. There's a dream, there's an anchor. Keeping me down, bringing me such anger. pleure